écouter Koé de 17h à 20h sur Énergie, c'est mieux qu'un Monopoly tout pourri. Alors cette journée, pas ouf, hein. T'inquiète, c'est Koé, ça commence maintenant. Le Before. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. 17h, 20h sur Énergie. Bonjour! Bienvenue sur Énergie, vendredi, la dernière de la semaine. Non, nous ne sommes pas en vacances. Non, non, non. Nous sommes là tous les soirs, les 10 000 euros ne sont pas en vacances. Ils ont été gagnés il y a quelques jours. Vous aussi, vous pouvez devenir riche. Je le fais à l'américaine. Toi aussi, tu veux devenir riche. Moi, mon père, il est riche. Mon père, elle est riche en tabernacle. Voilà, ça, c'est une vidéo sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, vous ne comprenez pas. Mais c'est un gars qui est bourré, qui est en boucle devant une boîte, fait mon père, il est riche. Il dit que ça. Il dit que ça. Le gars lui dit ouais, mais tu rentres pas dans la boîte. Mais Mon père, il est riche. Gros bisous à vous tous. Mais il rentre pas pour la boîte pour autant. Non. Gros bisous à vous tous qui nous écoutez en podcast, vous qui nous écoutez sur l'appli, vous qui nous écoutez partout en France. Tout à l'heure, nous allons faire, et c'est comme ça que vous voulez nous. Qu'est-ce qu'il y a, Mico? Partout en France ou partout en France? Bah non, partout en France. Partout en France, c'est demain soir pour toi, et partout en France, c'est pour toi. C'est une sorte de liaison. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Tous les vendredis, nous avons besoin de vous. Oui. Tous les vendredis, vous nous racontez ce qui s'est passé cette semaine dans votre région qu'on a peut-être raté. Tout à l'heure, nous irons faire un tour à Rennes, à Montpellier, en Loire-Atlantique, à Dijon, dans l'Aisne et à Lyon. On va passer tout ça et nous en saurons plus un peu partout. Il se passe des trucs chez vous, vous voulez nous en parler? Koé@energie.com, vous laissez vos messages, vous nous dites tout dans l'émission tout à l'heure. Je vous explique ce qui va se passer. Nous parlerons du Classico Marseille-Paris, c'est dimanche soir. Ouais. Oulala. Donc il va falloir qu'on en parle parce que là, les Marseillais disent maintenant, on va arrêter le... Oui. Le cycle infernal. Ouais. Et les Parisiens, ils vont confiants en disant, on va encore leur en mettre une. Quoi. Bah, nous aurons le Zap Télé de Mico, un truc qu'il y a dedans, tu t'en souviens? Oui, on se fera un spécial jeu télé. Il y aura du Motus. Oui, il y aura du Motus. Moi, tant qu'il y a du Motus et tant qu'il n'y a pas du slam, parce que slam, j'ai jamais compris. Il n'y aura pas de slam. Nous aurons le top des pires phrases que disent les mecs après l'amour, et je pense que les filles, vous allez vous y reconnaître. À Jeanne de savoir. Oui, et lundi, on essaiera de trouver. On verra les phrases des filles. Ouais, mais je ne sais pas si les filles, vous dites beaucoup de phrases non, après l'amour. Non, on demande des câlins. C'est les hommes qui sont un peu ringards. Nous, on a besoin de dire alors, ça t'a plu. J'ai pas regardé les classements, je veux pas savoir si c'est dedans, mais je pense que le est-ce que ça t'a plu, il est dedans. Heureuse. Oh le ah non, ça c'est ringard. Plus personne dit ça. Nous aurons la deuxième signification des chansons à l'envers. Ça, restez avec nous. C'est à la fin de cette heure-là, vous allez tomber sur le cul sur une ou deux chansons. Françaises et internationales, on les met, il y a un sens que vous connaissez tous, c'est des tubes. Ouais. Et à l'envers, on entend une autre phrase. Mais restez là, je crois que vous allez adorer ce moment. Les champions du monde de l'actu dans un instant, nous reviendrons. Qu'est-ce qu'on fera tout à l'heure? Georges Brassens après 18h. Ah, bien. C'est le personnage du vendredi. Il revient. Très jeune. Il revient parce que je crois qu'il y a un festival où il y a un truc de fan club. C'est un hôtel qu'on a trouvé là. Un hôtel quoi, Georges Brassens? Non, Garogori. Il y a un hôtel qui s'appelle Garogori. Ah ouais, non, c'est un restaurant, ouais. Bah oui, il n'y a pas un hôtel qui s'appelle le Garogori. Si, c'est ça. C'est un restaurant qui s'appelle le Garogori, c'est pareil. Mais pas un hôtel. Autant un restaurant, tu peux l'entendre, mais un hôtel, le Garogori. Garogori, j'ai la cage numéro 22 qui est dispo. Je commence par une belle histoire, l'émission, les amis. Est-ce que tu peux mettre une musique belle histoire, s'il te plaît? Une musique belle histoire. Oui, tu tapes à B comme belle histoire. Nicolas est un pompier du Gard. Il a été envoyé la semaine dernière dans l'Aude, vous le savez, pour aider la population. Il est en train de nettoyer la chaussée, il voit un petit poisson rouge en train d'agoniser dans 2 cm d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a récupéré, il l'a mis dans un seau d'eau. Le soir, il l'a ramené à la maison pour s'occuper de lui. Et sa femme et ses enfants ont dit « Non, maintenant tu dois retrouver le propriétaire du poisson ». Du coup, Nicolas a créé une page Facebook au nom du petit poisson qu'il a décidé d'appeler Moïse, parce que c'est vrai que le poisson de lui-même ne dit pas son prénom. Bah non. Et la page a été vue près de 10 000 fois en 10 heures. Et le poisson a retrouvé sa propriété. Oh, c'est joli, c'est beau. C'est bien cette histoire. C'est mignon, Moïse. C'est beau comme nom pour un poisson rouge, ouais. Moïse. C'est vrai, d'ailleurs, vous connaissez les 10 commandements du poisson rouge? Non, c'est quoi? Premier commandement, le tour du bocal, tu feras et tu oublieras. Deuxième commandement, le tour du bocal, tu feras et tu oublieras. Troisième commandement, le tour du bocal, tu feras et tu oublieras. Je vous fais le quatrième. Le tour du bocal, tu feras et tu oublieras. Bon, je pourrais vous faire les autres, mais ça peut sembler un petit peu long. Attention, musique, présentation de l'équipe. On y va. C'est le week-end et pour lui, ce sera un week-end bobo atelier création. En effet, notre réalisateur va apprendre à faire lui-même son shampoing et son savon. Et promis, le week-end prochain, il apprendra à s'en servir chaque chose en son temps. C'est Bichette, notre réalisateur. Bonsoir. Depuis qu'il a décidé de se prendre en main, il passe ses week-ends entre courses et ménage. Mais ce week-end, il va faire le foufou, le déglingo. Il va apprendre à se servir de sa machine à laver. Wow. Autant dire que ça va surpasser sa PS4. C'est Miko. Bonsoir. Et vu la tête qu'il fait, c'est vrai. Mais tout ce qu'on dit est vrai. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de vanne dans tout ce que je dis. Hein. Mais malheureusement, non. Week-end de simple et classique pour notre productrice Stouff. Entraînement de free fight au dojo. Un peu de culture avec une visite au musée de la torture et le soir, sortie en boîte afin de déclencher quelques bastons à base de « ta meuf est habillée comme une pute ». Oui, le week-end, c'est fait pour se reposer, c'est ma Stouff. Ce week-end, il emmène sa chérie en Italie, Jeff. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ce week-end. Il part demain matin. Yes. Il l'emmène en Italie, c'est romantique. Le souci, c'est que lundi, vous ne trouverez plus une seule pizza dans tout Rome, il aura tout bouffé en deux jours, c'est Jeff. Et enfin, ce week-end, il va bosser sur les vidéos que l'on a fait il y a 3 semaines, voire 1 mois, tellement il a pris de retard. Et oui, c'est vrai, c'est pas le mec le plus en avance, mais on l'aime bien, c'est notre bordel. Bonjour à vous tous, bienvenue, merci d'être là sur Énergie, je m'appelle Coé. T'es prêt, Jeff, pour dire bonsoir en italien? Bonsoir, Ro. Bonsoir, The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. C'est le Bifort sur Énergie. On est sur Énergie dans un instant. Je vous le disais, restez avec nous parce que je veux que vous entendiez des chansons qui ont une signification mise à l'envers. Et je vais vous offrir 10 000 euros, je le sens. Je le sens. Vendredi, je sens les 10 000. Mais t'as trouvez-moi. Un bon oh oui, you want to win 10,000. 10,000, comment tu dis en anglais? 10,000 euros, you want that? Yes. Call you now. You're going to be rich. No, call now. SMS me now. 7, 10, 12, en mettant Coé au début de votre message et vous pouvez gagner 10 000 euros si vous trouvez la bonne enveloppe. On apprend à parler anglais dans cette émission et on apprend à parler italien. Non, Jeff, bonsoir en italien ne se dit pas bonsoir, no. Je suis désolé, je sais que tu pars demain matin, mais là, il y a urgence en la demeure. Buonasera. C'est buonasera. Buonasera. Et quand tu veux aller te coucher, tu dis à ta chérie, eh, comment ça la sentir la fatigue? Buonanotte. Buonanotte. Voilà, les bronzés fondus, ski, remarque, c'est un peu de culture quand même. Voilà, possible, va terminer, pas regarder par la fenêtre, por favor. 20 000. En attendant, champion du monde de l'actu, on y va. premier champion du monde. Ouais, forte la trompette là, dis donc. Premier champion du monde, un couple qui est poursuivi en Espagne pour avoir eu un rapport sexuel en plein trajet sur l'autoroute. Ils sont accusés de conduite dangereuse. C'est un autre automobiliste, oh, reculé, qui les a filmés en les doublant. Il a partagé la vidéo. La police est tombée dessus, ont trouvé la plaque et ont... Ils ont attaqué ce jeune couple. Oh là là. C'est pas bien. Alors, ceci dit, une fille sur le gars pendant qu'il conduit sur l'autoroute, ça peut être un fantasme, ouais. C'est très dangereux. Alors qu'en centre-ville, sur les dodanes, ou les petits dodanes devant les écoles, là c'est sympa, ou sur les pavés, t'as moins d'efforts à faire. C'est ça. Non. Ça bosse à ta place. Si, ça fait tout seul. Deuxième champion du monde, un milliardaire australien, Clive Palmer, il va construire en Chine une réplique du Titanic. Pour qu'on navigue en 2022, le Titanic 2, c'est comme ça qu'il va s'appeler, d'accord, pour emporter le même nombre de passagers. Il sera équipé d'outils de navigation évidemment modernes et sera juste légèrement plus large que l'ancêtre dans un souci de stabilité. Ils se sont rendus compte que le premier il merdouille au niveau de la stabilité. Ah oui, quand même. Ouais, ils se sont dit on va corriger 2-3 trucs. Alors vous pouvez réserver, ça risque rien parce qu'il va être tout moderne et je vous le dis, avec le réchauffement climatique, de toute façon, le dernier iceberg qui restait dans l'océan, je l'ai mis dans mon Coca Light il y a 2 minutes. Donc vous avez rien à craindre. Super champion du monde! C'est les Belges, là, dit! Ça me fait plaisir! Une étude, là! 2790 Belges, hein, sur la consommation d'alcool, donc! Oh. Ouf, dit! Un gladier, hein, ça fait beaucoup! Ils sont tous vieux, là! Hein, là, je pense qu'ils sont allés au carré de Liège ou quoi! 62% des sondés disent qu'ils boivent trop, dit! Ouais, c'est bien, on reconnaisse! 80% disent qu'ils pensent être capables d'arrêter de boire, vas-y, mytho! Mais comme le précise un des chercheurs en alcoolologie, on est devant un paradoxe très intéressant. Hein. On boit trop, on s'en rend compte, on est capable d'arrêter de boire, mais on le fait pas. C'est paradoxe. Elle est pas magique cette phrase. On boit trop, on s'en rend compte, on est capable d'arrêter, mais on le fait pas. Oh là là. C'est génial. Mais c'est comme en soirée. Tu bois trop, tu le sais, mais t'as pas envie d'arrêter. Oui. Et après, t'envoies des textos que tu regrettes, et le lendemain, tu te rends compte que t'as embauché Bordas. Bienvenue sur Énergie. Merci d'être avec nous. Tout va bien, c'est vendredi. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc. Oui, comme ma première ça sème. 20 ans au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler. Normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées. Mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc, obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera, comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Méchant comme Marseille ou Chicago, platin au plomo. Tous les jours je vais péter le magot. J'ai toujours un flic dans la vago. Bye bye, chiant, fita, fixo, bras-toi, t'es dans l'ombre. La cité, la cité. Chiant, car les flics au pâte, on a dit mon nom. La cité, la cité. Toto, Lina, c'est pequeño. Au Brasil, Fodes, Caray, pobre, chico. Cocaïna. Ah, jamais on trahira la Honda. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Diego dans la Bombonera, comme Savastano dans la Scampia, on vient rentrer dans la leyenda. Merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Ça veut dire que c'est la nouveauté du vendredi, c'est ça, c'est ça, hein, oui. Ok, tout le monde parle anglais, je vous ai dit, on progresse. Bonsoir, non, voilà, tout va bien. Bonsoir. Hello, c'est le nouveau hito du vendredi. Avec Soprano et Niska. Niska, c'est celui qui faisait Pouloulou. Ouais, oui, c'est ça. Et le morceau, il s'appelle Zoom, ça y est, il n'y a plus de mots maintenant. Hein. Bientôt, ce sera pff, et ou bien ou bien ou alors Fouyaya. Moi, je... C'est que des onomatopées. Vivement le prochain maître guide. Fatch. Fatch. Ça va être que des. Oh là là, super fantastique. Oh là là, voilà, voilà des, très bons, des très bons titres. Je vous en ai donné une quinzaine d'avance. On embrasse une dame de 55 ans qui a été interceptée par les gendarmes. Elle était au volant d'un camion de pompier. Elle s'est introduite dans la caserne en pleine nuit. Elle a volé le camion de pompier. Elle était habillée en pompière, mais c'est pas le tout. Elle a piqué tous les bœufs, les objets qui étaient dans la. Elle a foutu tout dans le camion et un vélo aussi de pompier qu'elle a mis dedans. Et je pose la question. Ouais. Qu'est-ce qu'un vélo de pompier? Je n'ai pas la réponse. Alors, est-ce qu'il a un vélo de pompier? Est-ce qu'il a un petit gyrophare bleu? Il faut que tu pédales pour qu'il tourne. Je ne sais pas comment ça se passe. Un petit Karcher. Est-ce que tu as une petite gourde? T'as pas encore le droit à la lance et t'arrives à côté du feu, tu fais. T'as une éponge. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse. À tout de suite. Peut-être 10 000 euros à gagner. On revient. Leur destin sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Refix.fr by Crédit Mutuel vous invite au Energy Music Awards. Participez dès à présent au concours du meilleur fan. Et rendez-vous le 10 novembre à Cannes en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Auchan et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la soirée Halloween de Virginie qui change avec la troisième boîte offerte pour l'achat de deux sur une sélection de bonbons Haribo. Virginie, tu n'as pas envie qu'un enfant te jette un sort et te transforme en chou-fleur puant? Alors prévois plein de bonbons. Vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent deux achetés égale le troisième offert sur la gamme Haribo Méga Fête et Halloween change. Auchan. Offre disponible jusqu'à mardi, valable sur les produits Méga Fête Surprise 800 grammes, Pic 720 grammes et Dragibus 960 grammes. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Besoin d'un coup de main? C'est bon, ça va, je peux faire mon trou tout seul. Comme vous voulez, mais en ce moment, chez Monsieur Bricolage, la perceuse sans fil à percussion 18 volts Black & Decker avec deux batteries et sa mallette est à seulement 129,99€. Mais dites-moi, un si petit prix, ce n'est pas accessoire. Bah si, justement, des accessoires, il y en a 80 avec la perceuse. Ah ça, c'est bien. Jusqu'au 4 novembre, faites des économies qui font chaud au cœur avec Monsieur Bricolage. Magasin participant sur monsieurbricolage.fr. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Ce soir, toutes mes copines débarquent à la maison pour dîner et j'ai pas le temps de cuisiner. Et pourquoi pas des bonnes pizzas, Michel? Ah mais oui, mais ça c'est parfait, c'est rapide et tout le monde aime ça. Et oui, surtout que jusqu'au 28 octobre, chez Carrefour Market, il y a 50% d'économie sur la carte fidélité sur la gamme Pizza Fresh Up, buitonnier au jambon fromage ou jambon. Ah bah attendez, je vais en profiter pour inviter plein d'autres copines. Carrefour Market. La pièce de 600 grammes, voire modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, it music only. Parce que chez Castorama, on sait que le froid n'attend pas le mois des bonnes affaires pour entrer dans le salon et nous saisir. Castorama a décidé qu'à partir de maintenant, les prix bas, c'est tous les jours. Oui, tous les jours. Et sans attendre, parce que c'est maintenant qu'on a besoin d'un chauffage. Comme ce radiateur électrique Antao 1000 watts à inertie fluide pour une chaleur douce et saine à 135€ et dont le prix ne montera pas d'un centime. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. Prix valable jusqu'au 31 décembre 2018. Pendant l'anniversaire géant, toute la famille des bons plans se met sur son 31. Jusqu'au samedi 27 octobre, pendant les heures géantes à partir de 17h, pour un article mode homme, femme, enfant ou bébé acheté, le deuxième est 100% offert en bon d'achat. Oui, le deuxième article mode, 100% offert en bon d'achat. Très stylé, ces bonnes affaires. Les prix bas, c'est... Remboursement en bon d'achat du moins cher des deux. Voir conditions et magasins participants sur géantcasino.fr. Dis, c'est bien ton fils qui avait trouvé 100 euros dans le bus et gagné un voyage à Hawaï. Oui, il a une de ses chances. Ça t'embête s'il vient avec moi chez Ikea ce week-end? Hein? Et oui, ce samedi chez Ikea, mettez toutes les chances de votre côté pour tenter de remporter vos achats avec notre jeu concours des 75 ans. Rendez-vous en magasin pour une journée pleine d'animation et de nombreuses offres, comme le canapé Clipane Noir Bomstad 2 places à 249 euros au lieu de 329. Ikea. Voir conditions en magasin et sur Ikea.fr. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it to the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth. Journée version Koé. C'est Koé, c'est le Before. 17h, 18h sur Énergie. Restez avec nous dans un instant, il y aura le top des pires phrases que disent les mecs après l'amour. Réfi, restez là si vous êtes dans la voiture. Et surtout, restez là aussi parce que dans quelques minutes, juste avant l'émission publique de 18h, vous aurez un spécial des chansons que l'on met dans un sens, qui ont une signification. Et quand on le met dans l'autre sens, ça en a une autre. Mais voyez, il y en a une ou deux, je les ai écoutées. Ah, c'est bluffant, hein. Failli me faire pipi dessus. Ah ouais, on dirait que c'est fait exprès. J'ai adoré ce moment. Qu'est-ce que le... Ah, il y avait un truc cette semaine, on n'en a pas parlé beaucoup. On n'a pas parlé de l'escalator fou. C'est ah oui, fou, en Italie. C'est ouf ça. On n'a pas parlé de cet escalator. J'ai pas vu. En gros, violence. Imaginez un escalator d'une gare, ouais, blindé. Ouais. Et d'un seul coup, il décide non pas d'y aller vite dans le sens de la montée, ce qui aurait été marrant. Pour la descente. Mais dans la descente, et là, ouais, vous avez tous les gens qui s'agglutinent, parce que déjà la descente d'un escalator, oui, j'ai beau avoir 29 ans, ouais, j'ai toujours une petite angoisse au moment où le truc se termine. Oui. T'as beau te dire que personne ne tombe et que tu restes, mais quand même, t'as une petite angoisse. Fais attention. Là, le truc s'accélère, les gens s'agglutinent et ils n'ont pas compris pourquoi il est parti à cette vitesse-là et avec cette force-là. Ouais, c'est fou, hein. C'est assez impressionnant, la vidéo. Ouais, c'est une nouvelle attraction Disney. Ah, ils l'ont testé. Mais oui, escalator de la terreur. C'est quand t'as pas l'argent pour faire l'ascenseur de la terreur, tu fais l'escalator de la terreur. J'avais un truc sur les. Mais je l'ai perdu. Sur quoi, bah, quoi. Mais j'avais un truc, je l'ai perdu. Sur combien de temps mettre les. Ah, c'est là. Les compositions. Ah, ça, c'est info. Elle va faire plaisir à Brune Poirson, que j'embrasse. Secrétaire d'État à l'environnement. Vous la voyez, on l'avait déjà reçue, Brune. Oui, oui, ouais. Elle est jolie. Elle est très jolie. Elle est belle. Ouais. Vous avez vu Nicolas Hulot? Vous avez déjà vu Nicolas Hulot? Il est très joli. Et bien, beaucoup plus sexy. j'avoue. Non, mais elle est magnifique. Et elle est maligne. Et bien là, ça va l'intéresser. C'est le temps de décomposition. Et vous aussi, quand vous jetez des ordures, des fois, vous jetez un truc, vous dites, allez, on s'en fout, on le jette. Là, ça fait flipper. Une serviette en papier, entre 2 et 4 semaines. Un sac en papier, 1 mois. Un journal, un bout de journal, 1 mois et demi. Un trognon de pomme, 2 mois. Oui, alors 2 mois, mais alors, excusez-moi, un trognon naturel. De pomme, c'est naturel. Oui. Moi, je les mange. C'est du compost. C'est du compost. Ouais. C'est un carton, 2 mois. Une peau d'orange, 6 mois. Un carton de lait, 5 ans. Ah oui, d'un coup, boum, vache. Un mégot de cigarette, tu sais, ça paraît tout bête, le mégot que vous jetez, 12 ans. Une chaussure en cuir. Bon, je sais, c'est assez rare de jeter ces chaussures en cuir. Je suis d'accord avec vous. Entre 25 et 40 ans. Un verre en plastique, cette saloperie là qu'on va tenter de faire disparaître. 50 ans le verre en plastique. Un récipient en plastique entre 50 et 80 ans. Une bouteille en plastique 450 ans. Une couche jetable 550 ans. C'est-à-dire que le gamin il sera mort 20 fois que la couche sera toujours en vie. Un fil de pêche 800 ans. Un sac en plastique 200 ans ou 1000 ans. J'ai vu aussi les pailles 400 ans. Mais c'est fou. Ah, la vache. Un sac en plastique 200 ans. Ah, c'est quand même dingue de se dire que le sac en plastique a la même durée de vie que Michel Drucker. Ça ne gêne personne. Si on se trouve, il est fait en plastique. Info insolite de la région. On prendra quelqu'un vite fait dans un instant qui nous racontera une petite info insolite. On va se balader partout en France. Allez, 7, Wapat. 7, 10, 12 par SMS. Vite, peut-être 10 000 euros. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone, don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer, and never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV. J'ai envie de vous offrir de l'argent. Je vous le dis, j'en ai très c'est envie. C'est gentil. C'est le moment du cash. Pour ça, un seul SMS. 7, 10, 12. Vous n'en envoyez pas un seul. Vous en envoyez 74. Oui, il y aura plus de chances. Plus vous en envoyez, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Mettez Coé au début de votre message tout le week-end Vous envoyez vos messages si vous voulez gagner jusqu'à 10 000 euros. Aujourd'hui, j'ai une enveloppe 5 euros. Une de 10 000, une de 5 000, une de 1000, une de 200, une de 100. Trouvez-moi la bonne enveloppe. De toute façon, quoi qu'il se passe, je vous appelle pour partir avec de l'argent. Et je sens bien que là, ça peut être gagné. Bam! Dans un instant, nous aurons la Zap Télé de Miko. On s'occupera également d'avoir Johanna qui nous racontera un truc de sa région. Le vendredi, c'est du Jean-Pierre Pernaut. Oui. C'est vous qui nous racontez ce qui s'est passé chez vous. On n'a peut-être pas fait attention. Christelle! Hey! Hey, tape avec moi! All I want to get up and dance, Christelle! Oui. Christelle, woo! Put your hands up in the air. Bonjour, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Comment ça va, Christelle? C'est Koé. Oui, comment ça va, ma chérie? C'est Coco. Est-ce que tu es en forme? Elle capte pas. Est-ce que tu as du réseau? Est-ce que tu as de la, est-ce que tu as de la batterie? J'ai de la batterie. Et comment ça va? Bouge! Tu n'as plus de réseau, bouge! Mais alors, gueule pas, toi, il est pour rien! Bouge à gauche, à droite! L'hôtel n'a pas de réseau! Et c'est Stouffy Raptor est de retour! Bouge sur place! Bouge, bouge, je te défonce! Comment elle lui a parlé? Mais non, elle y est pour rien, la pauvre, elle n'a pas de réseau! Justement, qu'elle bouge, qu'elle est là quelque part en haut, en bas dans les escaliers. Mais comment tu veux savoir où t'as du réseau? Ouais, je vais t'engueuler aussi. Bon, enfin, bouge où t'as du réseau! Qu'est-ce que c'est que ça, Christelle, tu m'entends? Voilà, la bouge où il n'y avait plus de réseau! Non, elle est vexée, elle est vexée maintenant! Super! Christelle, Christelle, une fois, deux fois, tu es là? Oui, je t'entends. Bah pas nous, attention, ne bouge plus, ne bouge plus. Il y a des enveloppes pour toute l'équipe. Bichette en a une, Miko, Stouff, Bordas, ouais. Jeff, moi-même. Tu me trouves la bonne enveloppe, tu peux gagner jusqu'à 10 000 euros. Il ne bouge plus. Attention, c'est le moment, concentration, on y va. Mika. Miko. Mika. Miko. Mika. Mika, c'est dans The Voice. Oui. Voilà, tu sais, Mika, il se retourne dans The Voice. Et il est jury. Miko, il se retourne pas, il tient l'enveloppe. Miko. Attention, combien? Quoi? C'est 200 euros. Ça mais fait plaisir, bien, mais ça fait plaisir. Mais c'est très bien, 200 euros. Christelle, on est d'accord, ça fait du bien? Ben oui. Eh ben voilà. Oh, elle va pouvoir acheter un nouveau téléphone. Ah ouais, pour capter comme ça. Mais bien sûr. Voilà, tu pourras t'acheter un Wico, c'est comme Miko, c'est pareil. Je te fais un gros bisou, Christelle. Je t'embrasse. Vous savez, bisous ma chérie. Vous voulez que je vous dise un truc? Oui. Vous voulez que je vous dise un truc? Oui. J'ai des auditeurs tous les jours au téléphone depuis des années. Oui. C'est la première fois que je n'ai pas compris un mot d'une seule. Rien du tout. Rien. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non. C'est qu'on l'est trop. Alors on traque. Un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il y a plus ni futur ni passé, il y a plus ni futur ni passé, il y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Il y a plus ni futur ni passé, il y a plus ni futur ni passé, il y a plus ni futur ni passé. Danser. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Énergie. Nous parlerons du classico match de foot, hein, Marseille-PSG. Exactement. Qui a lieu dimanche soir. Nous aurons tout à l'heure, nous reviendrons sur le les je sais plus ce qu'on fera. Tiens, si les chansons à l'envers, oui. Et puis les phrases les plus pourries que les hommes disent après l'amour. Ouais. J'ai hâte de savoir. Vous savez quoi, je vous dire, je pense qu'on est ridicule. Je pense qu'on a un besoin de fierté. On a un besoin de reconnaissance. Nous, on veut une statue après l'amour. Ouais. Nous, on veut que vous fassiez une descente au flambeau. On veut une ola. Nous, on veut que vous arrachiez des fusées de détresse et que vous fassiez le tour du lit. En faisant « Wouh, on n'a jamais fait ça !» Avec les fumigènes. Mais voilà, nous, on a envie que vous ouvriez la fenêtre en disant « J'ai joui comme jamais !» Voilà, et en vrai, nous, les garçons, on a envie de sortir de l'immeuble et que tous les voisins fassent « Bravo !» Bah, c'est ça que je veux. Ouais. C'est on ça. On jette des pétales de rose comme ça. Mais dans la vraie vie, ça n'existe jamais. Que non. En attendant, Johanna, juste avant le zap télé de Miko, au Lactu Insolite, tous les vendredis, vous nous racontez des trucs qui sont passés de chez vous. Elle habite Rennes, Johanna. Ça va, ma petite Johanna ? Salut, Koé, ça va et toi ? Salut, ma belle. Bienvenue chez nous. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Raconte-moi en deux secondes ce qu'on a raté, qui s'est passé vers Rennes. Eh bien, il y a un mec, il a trouvé un sac à main à une soirée. Ouais. Avec clé et portable d'une nana. Donc du coup il a pris sa bagnole, il en a profité toute la soirée et le lendemain il a ramené tout simplement la voiture au commissariat avec un petit mot d'excuse où il avait écrit pardon, merci pour la soirée, bisous. Excusez-moi. Moi je trouve que ces voleurs légèrement honnêtes, c'est plutôt sympa. Ouais. Ou c'est les mecs honnêtes légèrement voleurs. Je sais pas dans quel sens on le met. Ouais, c'est bizarre. Mais ça va, c'est pas. Il l'a rendu. Oh, voilà. Bon état. Ouais, mais enfin bon, abusé quand même, quoi. Et puis le bon merci pour la soirée, bisous, c'est un peu trop, non? Bah oui, bah c'est sympa. Il a mis un mot. Voilà. Ça coûte cher l'essence. Je te fais un gros bisou, ma petite Johanna. Je t'embrasse fort. Bisous à toute l'équipe. Bisous, ma belle. Bisous. Tu regardes la télévision souvent, Johanna? Ça dépend des soirs, ça dépend de mes horaires. Eh ben tu vas voir, Miko, c'est un spécial jeu télé. Miko, il y avait quoi ? On commence par question pour un champion. On apprend ce que c'est qu'un eurofan. Ouais. Un eurofan ? Oui. Vous êtes membre, c'est très intéressant. Est-ce que vous connaissez ça, les amis à la maison ? De l'eurofan. Vous savez ce que c'est l'eurofan ? L'eurofan, c'est ? C'est l'association des fans français de l'Eurovision. De l'Eurovision. Oui. Ils sont nombreux, hein ? Combien de ? En France, on est à peu près 500. 500, voilà. Vous êtes nombreux. C'est ce qu'on appelle un gigantesque fan-club. Ah oui, là c'est fan-marée, hein. Une communauté. Ouh, j'ai envie de dire les Eurofan Family. C'est foufou quand même, hein. Allez, dans les amours, on a trouvé l'hystérique du jour qui pense qu'elle a gagné, mais en fait pas du tout. Le mois de vos dernières vacances. Oui. Vite, le mois de tes dernières vacances. Août. C'est dommage, hein. Oh, non. Toute cette énergie pour rien. Bah oui. Bon, un dernier. Est-ce que vous connaissez MC Titi ? Non. C'est qui ? Alors MC Titi, c'est Thierry Beccaro dans Motus qui se met en mode UMTV rap. Mais non. Allez, merci d'accueillir tout de suite notre MC Titi. J'adore MC Titi. Non. Thierry Beccaro. Yeah. Attention ambiance. Ouais, brother. C'est tellement gênant. Là, l'émission, elle s'appelle plus Motus, c'est gênant. C'est gênant. Oh là là. La lettre a bientôt présenté par Thierry Beccaro. Tellement gênant, les gens qui font yo-yo. Ouais, brother. Oh là là. La vie à la mort. Ziva. Oh là là. Avec personne qui applaudit en plus. Bienvenue, c'est horrible. Mais ça, c'est le problème des pesticides. Plus de main pour applaudir, c'est terrible. Terrible. Are you drunk now? Now that judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. You are thing tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone said, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. On est sur Énergie, on est vendredi dès 18h, l'émission en public. N'oubliez pas, hein, semaine prochaine, ça va être magique. On va se faire encore de belles émissions. Le 9, émission spéciale Bifort Énergie Music Award avec Big Flo et Oli, toutes les stars qui sont là. Lundi, c'est Amir qui est avec nous. J'aime bien ce que fait Amir. Dans quelques jours, on aura MHD qui sera là. Mardi, mademoiselle s'appelle Angèle. Mais avant tout cela, dimanche soir, les supporters du PSG, les amis, vous allez supporter, et vous les supporters de Marseille, le Classico. Alors je crois que les supporters du PSG sont interdits de déplacement, c'est ça? Pierre, le spécialiste football. Exactement. De l'émission. Pourquoi? À cause de l'organisation de la fête de la bière? C'est quoi le... C'est pas parce qu'il y a une organisation de fête de la bière, il y a une course à pied Marseille-Cassis, et donc il n'y aura pas assez de forces de l'ordre disponibles pour la sécurité du match? Oui. Ah d'accord, parce qu'il y a plusieurs événements, donc pas assez de policiers. Oui. Ah ok, d'accord. Et comme okay. C'est réputé pour être chaud. Et puis ils sont pas les bienvenus habituellement, de toute façon. Hein. La prochaine fois que je te demande un avis aux spécialistes du foot, juste pour entendre... Merci. Hein. C'est une belle intervention. Hein. T'as brillé. Hein. Il y a des bagarres. Comment? Il y a des bagarres. Tu brilles deux fois plus. Mais il y a des bagarres. Est-ce qu'on peut appeler? On est en relation directement. On a, mettez Yannick, la liaison avec ouais. Nos studios de. Ah oui, Yannick, c'est vrai. Énergie Marseille. Ouais. Bah, c'est bon. Et Paris vient d'être d'un chien, Paris Godin. Allô? Allô? M'entendez? Oui, Yannick. Oui, Énergie Marseille, au bureau de la rédaction, bonjour. Oui, bonjour, c'est Énergie Paris, là, ça va? Oh, les amis, Capital, comment ça va? Super, merci. Alors, ça bouge, apparemment, Marseille, ce week-end? Oui, effectivement, de nombreux événements sont à l'honneur dans la capitale. Le micro est branché, m'entendez? Oui, bien sûr, ouais. Dans la capitale, fossé, hein, comme la course à pied Marseille au Cassis. Et un putain de classico de sa mère! Sans parisien pour nous casser les couilles! Ça va être la folie! Tiens, on va les écraser comme des olives en tapenade, putain! On va se régaler! Et il y a aussi la fête de la bière, je crois. C'est vrai, il faut le noter, mais c'est surtout la fête à cucu des parisiens! Putain, dimanche, on va tellement leur faire siffler la rondelle qu'il faudra mettre des boules qui jusqu'à Nice pour pas faire péter les oreilles! Et ça a été terrible, ta gueule, j'ai pas fini! Tu veux que je te fasse siffler la rondelle aussi, le parisien? Pardon, je Yannick. Peux venir, je prends un TGV, j'arrive, Yannick, je vais. Calmez-vous. Et calmez-vous. Je repars. Mais c'est, la dernière fois, c'était quoi le score? Sinon, bon, il y a une belle exposition de peinture contemporaine sur le vieux port. Ça va dire après-midi, on n'a pas raté. Ok, c'est noté. Alors, pour le match, si on veut venir, nous, c'est mort alors. Ah oui, par contre, pour le match retour, je ferai une place. Oui? Tu veux mettre où? Dans ton cul. C'est Bifort sur Énergie. Just take way too much of my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. I get so overcomplicated. People tell me to medicate. Feel my blood running. Swear the sky's falling. I don't know if this shit's fabricated. Time goes by and I can't control. Just keep breathing.

PSG, le match des supporters a déjà commencé. Mais le Classico, c'est ce dimanche à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les soirées de Bastien qui changent. Avec la sortie de Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et 2€ de cagnotte. Bastien, incarné à hors-la-loi réputé à travers toute l'Amérique, ne coûte que 46,59€ et tu gagnes 2€ de cagnotte. Bonne nouvelle, tu peux réaliser ton rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et en plus 2€ de cagnotte. Et vos soirées changent. Auchan. Offre valable aujourd'hui seulement. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Jeux vidéo déconseillés au moins de 18 ans. Intersport. Quand on lui propose d'aller faire du sport, Lucie répond... Ah, je peux pas, j'ai un rhume. Mais depuis qu'elle a profité des Sporting Days... Un footing, ok. Avant la gym, après la muscu... Chez Intersport, du 22 au 27 octobre, ce sont les Sporting Days. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 25% sur les vêtements et les chaussures. C'est 25% de réduction et 100% de sport en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Sporting Days, jour sportif. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches. Il y a des pommes, des poireaux, des salades, des carottes. C'est quoi ces salades ? Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais, de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ? Ouais. Eh bah ils ont élu Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Et nous patron ? Bah on est dans les choux. Oh. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur Lidl.fr. À 18h sur Énergie, l'équipe s'agrandit. Coé passe en mode public. C'est pareil, mais avec toi dedans. 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie. Oui, Coé, Coé, oh, public, énergie. Ça, c'est dans 10 minutes, tout seront en bas avec le, dans notre grand studio. Venez nous voir, c'est les vacances la semaine prochaine. Je sais que ça se remplit très vite parce que oui. C'est les vacances. Ça se remplit, Pierre, ou pas? On est plein. C'est vrai? Il y avait de la conviction. Oui, c'est vrai. C'est sérieux ou tu mitonnes? Il y a bagarre. Attends, il y a Amir, Angèle, une spéciale Halloween. C'est ah oui, oh là là. Alors, ouais, la semaine prochaine. Mais vous m'avez, j'ai complètement oublié de le dire. Semaine prochaine. Mercredi, on vous fait une spéciale Halloween. Non, j'ai peur. Je ne veux que dans le public que des gens qui ont envie de tenter l'expérience de descendre dans le parking énergie. Nous, la dernière heure d'émission, je pense que vous allez entendre des cris. Et même nous, on devrait y passer. Ouais, mais je dirais pas. Moi, j'ai rien, rien que d'y penser, j'ai dit à toi. Je déteste ça. Je te mets en éclaireur. Ah ouais, tirer en premier. Tire en éclaireur. On peut y aller en bande en se tenant. Non, c'est quoi? Je vais mettre mes griffes dans la table et ça va traîner comme ça. Voici le top des pires phrases que les mecs disent après l'amour. On a sélectionné les pires. On connaît tous, évidemment, des tu l'amour. Est-ce que t'en as déjà entendu, Stouff? Franchement, non. Franchement, il n'y a jamais eu un mec à... Bah, qui m'a dit... De cette nombreuse liste que tu as... Non, j'en ai pas eu nombreux, mais non. Ah ouais? Non. Bon, on commence par le fameux... C'était bien. Ah bah oui. Ah, il est magique, celui-là. Ah, c'est un classique. Mais parce qu'on a besoin de se rassurer. Et souvent, ouais. Alors, la fille, elle répond... Vous aime pas que tu me demandes ça. Alors, dites-le, on se dit, on le fait pour être rassuré. Donc, tant qu'on n'est pas rassuré, on le redemandera. Exactement. Donc, les filles, mentez. Mentez, on vous foudra la paix. Oui, ça ira plus vite. Là, regarde, on va le faire très court. Ça t'a plu? On ment déjà, hein, de toute façon. Écoute, joue le jeu. C'était bien? Grave. Et voilà, on passe à autre chose. J'y crois pas. Il y a quoi à la télé? Alors que si elle me le fait en mode, c'était bien? Ouais, pas pourquoi mal. Pourquoi pas mal? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, meuf? Et voilà. C'était pas assez long. Et voilà. C'est pas assez long, quoi. Voilà, tu vois, le discussion pendant des heures. Il y a aussi le très élégant. Bon, je te mets pas dehors, mais je me lève tôt demain matin. La violence du truc. Qu'on pourrait traduire par casse-toi. Alors, oui, plus ou moins. Voilà. Ouais. Franchement, si on vous dit cette phrase, vous avez le droit d'envoyer un texto à tout le monde en disant qu'il a un sexe de 8 mm. Oui. Vous avez le droit. Ouais. C'est le truc le moins élégant. Je l'ai déjà fait. Mais oui. C'est le moins élégant du monde. Ça passe aussi avec le. Je t'appelle un taxi. Ah oui. Hey, hey, le Uber, c'est pour moi. Ah non. Il y a également le cultissime. Je comprends pas. D'habitude, ça dure plus longtemps. Ouais. Voilà. Ah, et il y a aussi les mecs pénibles qui peuvent pas s'empêcher de faire. Commencer la phrase par avec mon ex. Ah oh non. Ah mais ça, tu t'en prends une. Ah, ça c'est mort. Ah c'est horrible. C'est horrible. Faut pas faire d'essais comparatifs comme ça. On n'est pas dans Automoto, les gars. On n'est pas en train d'essayer le Baleno avec la Ford Cougar. Ça n'a rien à voir. Et on termine avec le fameux. Je pensais que tes seins étaient plus gros. Oh non, oh non. Et il y a des gens qui disent ça. Ouais, et là, les filles, il faut dire, je pensais que t'habites aussi. mais si, il faut répondre ça, les filles. Égalité, oui. Parité, voilà. Bienvenue sur Énergie. Dans un instant, quelques chansons que vous connaissez dans un sens, vous allez découvrir dans l'autre. Il n'y a pas de montage dans ce que vous allez entendre dans un instant, je vous assure. Voici LSD. Toute l'équipe, vous allez oui, bien oui, ouais. Vous allez faire quoi ce week-end? Vite, avant qu'on ait la petite compile des chansons qu'on met à l'envers, vous allez faire quoi ce week-end? Alors moi, je vais aller au Comic-Con de Paris. Oh, c'est ah, bien, bien ça, ça. Voilà. C'est bien. Tu vas faire quoi, Bordas? Je suis un peu malade, moi. Ok, super. Tu vas faire quoi, Stouf? Je vais faire un tour chez Maison du Monde, comme d'hab. D'accord, très bien. Jeff? Moi, je vais à Rome. D'accord, oui, évidemment, avec madame. Bonsoir, oui. Bonsoir, bonsoir. Bonne nuit à Toté. Et moi, je vais me reposer. Ouais, t'en as besoin, je crois. Bon, sinon, ça y est, on a trouvé la plus vieille épave du monde. Non, c'est pas Renaud. La plus vieille épave du monde. C'est Stouf. Vous êtes pas bien. Elle est un peu plus vieille que Stouf, puisqu'elle date de l'an moins 400 avant Jésus-Christ. Oh, vous savez, on l'a trouvé. Non. On l'a trouvé au fond de. C'est la mer Noire. Oui. C'est une expédition scientifique anglo-bulgare. Ils ont sondé pendant 3 ans les fonds de. C'est la mer Noire. Oui, les archéologues ont d'ailleurs découvert 60 épaves dans. C'est la mer Noire. Voilà, et donc ils continuent à sonder. C'est la mer Noire. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Bon, pour l'instant, on y va avec la musique, vous êtes prêtes? Oui. Ouais. Vous connaissez Johnny? À la fin, il dit. Jamais abandonné. Ok. Et ben à l'envers. On entend, tendez l'oreille, le refrain, c'est magique. T'entends pas bon. Il n'est pas facile. C'est pas, hein. Il n'est pas évident ce genre. Non. Non, je valide pas les gars. Non, il paraît qu'à un moment il dit, on entend, oui c'est ça, et le temps me suce les bras. Si, on l'entend. Mais on l'entend le. Et le temps passe. Écoutez.

je vais commencer cette émission, enfin la deuxième partie, en vous disant merci, merci de venir nombreux, merci d'être comme ça, merci d'être gentil sur les réseaux sociaux, merci de nous envoyer. Parce que quand même, sur les réseaux sociaux, généralement, on se fait déchirer, tout le monde se fait déchirer. Oui. Et ben, je vous remercie de vos gentils messages quand vous vous écoutez en voiture et qu'on vous fait du bien, que vous riez. Vous nous laissez plein de messages et ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Que de l'amour. Très content d'être de retour sur Énergie pour vous. Je rappelle que aujourd'hui, il y aura encore une gagnante pour les 5 Seconds of Summer à Madrid. C'est à gagner le 19 novembre, ça se gagnera aujourd'hui. Peut-être aussi vos places, il y a un double hit David Guetta pour aller faire un tour au Energy Music Award. Ne ratez pas l'émission à Cannes à partir d'une celle du 9, le before des Energy Music Awards. Toute l'émission sera là-bas, on aura toutes les stars que vous entendez sur Energy, de Louane à Kenji en passant par Big Flo et Oli, ils seront tous dans l'émission et vous allez halluciner. J'en ai oublié, Wistou, vas-y. Sean Mendes. Ah ouais, ouais, ouais. Venez nous voir en bas de la scène, venez nous voir, on vous distribuera des places pour Energy Music Awards dès 16h30, soyez là. D'accord, on fera pas rentrer tout le monde, je vous le dis, c'est fermé. Ah non, oui, c'est... Ah ouais, sinon ce sera tant pis. Limité. Quelques-uns de vos messages, un message de Jean-Jacques Lafranchi que j'embrasse, il me dit « Je ne savais pas que tu étais émir. Encore un sosie. » Merde, c'est une photo d'un émir, les gars, on dirait moi. Ah non, Louis Lens. C'est chaud. Ah ouais. Non, la vache. Si, ça le fait grave. C'est ta tête. Ah la vache. Mais t'as une double vie, toi. Ouais, t'es pas tout quel week-end, en fait. Comme ça, là. Si, je suis émir le week-end et Picard la semaine. Je fais les deux. Message de petite Marie. Je viens d'écouter le podcast. On a sauté en l'air quand tu as lu notre mail. On attend la vidéo que t'as faite pour mes jumeaux. Et ta facture, bien sûr. Merci infiniment. Tu es vraiment gentil. Attends de voir la facture avant d'être gentil. Message de Sarah Gabriel. Salut Koé, toute l'équipe. Petite précision, quand vous avez appelé le Ramontou, ce n'est pas un furet qu'on met dans la cheminée, mais un hérisson. Ah, d'accord. Et c'est pas un loup non plus. Une tête de loup, vous avez dit. Hier, on nous a fait une tête de loup, encore 5 minutes, et c'était un cul de vache, une tête de girafe, un sabot de cheval, la trompe d'éléphant. Tout y allait. Il y a aussi un truc, je me suis pas expliqué hier. Vous vous souvenez que j'ai mis un petit message sur Kinvey. Plein de gens comprenaient pas où il y avait écrit fuck Kinvey. En fait, voilà, Kinvey, il y a le nouveau titre de Kinvey, et plein d'amis, Ryan Bensetti, etc. On fait un truc en mettant fuck Kinvey, et Kinvey écrivait des messages. Et plein de gens ont dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, et en fait c'était pour un clin d'œil pour la sortie du nouveau titre. Ah, il n'y avait pas d'embrouille. Ouais, ça fait non mais c'est un copain et je vais être avec lui demain, les amis, je vous enverrai des photos avec lui demain. Et donc il avait même écrit à un moment donné, Kinvey, niquez tous Vorace, pas de clip vendredi ni d'album, je m'arrête là, hashtag off avec un doigt. Non. Ah ouais, il a poussé à fond. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tweeté pourquoi tu fais ça, etc. Voilà. Et il y en a. Alors, quand on tweet un truc, faut s'attendre à se prendre un retour de bâton dans la gueule. Et il y en a un qui a écrit un truc, moi ça me fait beaucoup. Que quoi ? C'est ce qui a été content là. C'est il se prend une claque. Il a écrit Alléluia, ferme bien la porte en sortant. Mec, premier degré quoi. Premier degré, man. Ouais, c'est le risque. Mais en même temps, il utilise le bâton pour te faire battre là. En même temps, c'est drôle. Voilà, il y a plein de messages. Je peux pas tout vous lire. Il se passera pas mal de choses. Bon, on va commencer par un jeu de mots pourris. J'ai le temps ou pas? Ouais. Non, on va écouter Prince Karma. Alors, et dans un instant, nous allons tenter de faire dire, en prenant trois personnes en France, si on les appelle, les noms de famille ou les prénoms constitueront, je vous donne un indice, un hit du vendredi soir ou du samedi. Et ça n'est pas Prince Karma que vous êtes en train d'entendre là. Plus vieille chanson. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. This is like the best song ever. bitches. Bitches. Il y a Nico qui a bloqué sur la chanson de Maître Gibbs. Il est resté bloqué. Ah, c'est énorme, mais c'est énorme. Mais c'est fantastique. Maîtrise de Raymond. Mais c'est génial. Je vous rappelle que si vous venez d'arriver, qu'on a fait découvrir des titres à l'envers. Et il y avait donc la fameuse, un titre de Maître Gibbs que quand on le met à l'envers, on entend Lèche les cerises de Raymond. De Raymond. Lèche les cerises de Raymond. Non, c'est mon titre préféré. Hein. Moi, je le veux. Moi, demain, je vais à la FNAC. Hein. Je demande. Demain, je vais voir un vendeur. Je veux les cerises de Raymond. De Maître Gibbs. Allez, Maître Gibbs qui sente lèche les cerises de Raymond. Nous aurons un jeu ami-ennemi pour gagner quoi, Stouff? Deux casques Bose. Oui. Ça veut dire qu'il faut s'entraider, même c'est s'ils ne peuvent pas se blairer. Oui. Aujourd'hui, nous prendrons des amis-ennemis. Je les ai, mais j'ai pas mal. C'est ceux qui aiment la mer et ceux qui préfèrent la montagne. Ah ouais, c'est ouais. Deux écoles. Voilà. Ah ouais, souvent, ils ne sont pas d'accord. Il y a qui dans le public? Vite fait, au premier rang. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Elle s'y attendait pas. Waouh, quelle joie de vivre. Bonjour. Ça va bien? Ouais, nickel. Enchanté. Bonjour, le gars, la demoiselle à côté, pardon. Quoi? Moi, je suis un gars, moi. T'es ouf ou quoi? C'est quoi ton prénom? Lucie. Elle est jolie comme tout, Lucie. Oui. Bienvenue à côté. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles? Alison. Bonjour, Alison. Bonjour, à côté le garçon. Bonjour. Salut, moi, c'est Rémi. T'as vu, il a le même, un t-shirt qui te plairait, Stouff. Hein. J'aime la Rome antique, Rome comme du Rhum. Le garçon à côté? Sylvain. Ça va, Sylvain? Très bien. Bienvenue chez nous, mec. À côté, la demoiselle? Moi, c'est Julie. Julie et Morgane. Salut, Morgane. Attention, chanson du week-end. Ça va obligatoirement passer si vous sortez dans une soirée. J'appelle. Ah merde, je me suis trompé. Ah! Je me suis trompé! Non. Ah! Ah! L'enfant! Non, je veux pas! J'ai appuyé sur la mauvaise ligne. Ah! Bah, raccroche, c'est pas grave. Ça y est, c'est fait, j'ai raccroché. Mais qui va partir en courant. Ah! Alors, attention. On va appeler trois personnes. Monsieur Ara, monsieur. Ara? Leïla Kedou, que nous appelons. J'ai le prénom et le nom de famille. Et allô, monsieur Konem Louis. Allô? Bonsoir, vous êtes mademoiselle Kedou? Allô? Bonsoir, oui. Vous m'entendez? Oui, je vous êtes mademoiselle Kedou, Leïla? Oui, c'est moi. Bonsoir, je suis Koé, on est sur Énergie. Leïla, je voudrais vous présenter monsieur Konem. Monsieur Konem, vous êtes là? Ah non, non, non. Monsieur, allô? C'est monsieur Konem. Allô? Monsieur Konem. Allô? Oui. Voilà, monsieur Konem est là, monsieur Ara. Allô, oui, bonsoir. Voilà, et nous avons Leïla Kedou. Oui, bonsoir. À l'appel de votre nom, dites-moi oui, s'il vous plaît. Leïla Kedou? Oui. Monsieur Konem? Oui. Monsieur Ara? Oui. Leïla Kedou connaît Mara. Il a osé. Ah, celui-là, il est poilu. Elle est encore en ligne, mademoiselle Kedou. Je vous embrasse, mademoiselle Kedou. C'était Koé. C'était Koé, on était sur Énergie, je vous embrasse fort.

passe en son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. C'est Angèle qui sera là. Et mercredi, une émission spéciale d'Halloween. Une émission où tout le public peut avoir peur et nous les premiers. Le vrai principe, c'est oserez-vous faire partie du public de notre émission. Et oserez-vous, je vous le dis tout de suite, on va pas mettre trois toiles d'araignée pourrave au plafond. On se fait tout le moins deux d'énergie, qui est un sous-sol, imaginez, un parking, oui. Que l'on met entièrement dans le noir, avec d'autres choses à l'intérieur. Voilà. Serez-vous capable d'être dans le sas? On ouvre la porte, on vous met un casque, un micro. Vous êtes relié avec nous dans l'émission et vous avancez dans le parking dans le noir. Vous allez flipper, les gars. Vous allez flipper. Coco, tu vas flipper. Oui, c'est possible. J'ai peur des parkings. Alors. C'est possible. Je suis parkingnophobe. Bien sûr. Hey, vous avez vu cette info depuis qu'on a retweeté la députée. Vous savez où je lui ai donné le challenge d'aller dire bolos à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est repris partout, là. Mais partout. BFM Télé. C'est énorme. OZAP, Valeurs Actuelles. Mais maintenant, va-t-elle le faire ? Eh bien, première fois que je suis dans Valeurs Actuelles. Bah, dis bien. Valeurs Actuelles. C'est une capture d'écran. C'est assez rare, quand même. Télérama. Mais Télérama m'ouvre ses pages. Oui, j'arrive à grands pas. Elle est capable de le placer, je pense. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Elle a dit challenge relevé. Oui. Après, il faut prendre la parole, hein. À l'Assemblée nationale, il faut qu'on te donne la parole, il faut la prendre. Mais si elle casse, bolos. Oh, t'aurais dû mettre gros bâtard. Mais non, parce qu'elle peut dire vous n'êtes pas des bolos, vous n'êtes pas des gros bâtards, ça passe pas. C'est gros bâtard. Bon. T'imagines dans l'hémicycle. Écoutez-moi, bande de gros bâtards. Je te laissais parler, tu me laisses les pas. C'est moi qui parle. Qu'est-ce qu'il y a, gros bâtard, vas-y, qu'est-ce qu'il y a. Vas-y, quoi. Qu'est-ce qu'il y a. Descends de ton perchoir. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a. Viens, on sort. Non, mais vous savez quoi. Eh ben, si elle joue le jeu, elle joue. Voilà, moi je fais pas de politique, mais. Et ça m'amuse beaucoup cette histoire. Louane, la vidéo est disponible sur YouTube depuis 18h, me dit Bordas 20 fois de suite, il me l'a écrit sur un papier. Il m'a tout fait, donc depuis 18h la vidéo de Louane, vous savez, et du petit garçon qui s'est mis à pleurer. Vous en avez entendu parler, vous allez voir l'intégralité avec des vidéos que vous n'avez pas vues où je suis dans le public. En backstage quoi. Ouais, c'est en backstage parce que c'était pendant les pubs, je suis allé le voir et vous allez le voir que quand je suis allé le réconforter, même pendant la pub, eh ben il en avait rien à foutre. Il faisait rien. Et à la fin, vous allez voir, ça se termine bien, il y a un petit happy end. Non, mais surtout qu'on a fait un ralenti au moment où il te traite de. Il dit que t'es moche quoi. Mais c'est ce qu'il dit. Oui, sauf que. Qu'est-ce que tu viens de dire, mec, là? Sauf que d'un enfant de 7 ans, écoute-moi bien, d'un enfant de 7 ans, je le tolère, toi, je vais te démembrer. Non, mais... J'ai déjà dit. Et on a fait un ralenti à ce moment-là, très drôle. Comment? On a fait un ralenti à ce moment-là, qui est très, très drôle. En parlant de démembrement, vous avez suivi. Non, mais vous avez suivi. Jolie transition, j'ai eu peur. Vous avez suivi ce qui est arrivé à ce journaliste. Ouais, c'est fou, ça. En Turquie. C'est en Turquie, hein? Oui, c'est ça. C'est en Turquie. C'est ça. C'est dans une ambassade, et donc l'Arabie Saoudite est accusée par le monde entier d'avoir supprimé un journaliste. Voilà, alors c'est les services secrets. Et le prince a dit un truc. Il a dit. Moi, ça m'a. Il a dit, c'est un regrettable accident. Oui, oui, accident. Alors, on fait exprès. Bon, tu rentres dans le cul de quelqu'un en voiture, c'est un regrettable accident. Oui. Tu vois, tu fais une erreur, tu réveilles ta grand-mère à 2h du matin parce que t'es rebou. C'est un regrettable accident. Tu vois, bon, t'as fait l'amour avec ta secrétaire, ta femme de Gaulle, c'est un regrettable accident. Non. Mais tu es un mec. Tu démembres quelqu'un. Le découper en morceaux, peut-on encore appeler ça un regrettable accident? Non, et repartir avec sa tête. C'est terrible, c'est terrible. T'imagines le mec maintenant qui va tuer sa femme, il va arriver à dire, monsieur le juge, c'est un regrettable accident. Eh, c'est passé pour les mecs là-bas, pourquoi passe pas pour moi? Pas pour moi. Et en plus, tout le monde gueule, mais comme c'est l'Arabie Saoudite et qu'il n'y a plus que quand du pétrole, les gens gueulent, mais vous savez, comme quand, on en avait parlé une fois, c'est pas une vraie engueulade. C'est comme quand t'es avec tes potes et que tu re-racontes une engueulade. Et que tu dis, ouais, le mec, je l'ai vu, je l'ai engueulé. Moi, je pense que le président, il a dû appeler le mec d'Arabie Saoudite. Ouais, il paraît que le gars, il est coupé en morceaux. Ouais, bah ça se fait pas. On est colère, on va. Hein? Non, si, on va vous acheter du pétrole. Non, excusez-moi, pardon, je regrette. Ouais, je suis désolé. Ouais. Attendez, je vais continuer de vous engueuler en ayant raccroché. Ouais, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais c'est hallucinant, bah, on sautait. Mais c'est fou, quoi. Elle est terrible, cette histoire. Elle est glauque. Elle est terrible. Pauvre monsieur, pauvre journaliste, c'est absolument terrible. J'ai le temps de faire quoi? L'actu de ma région? Non, on va écouter Kaiser Panda. Tu la joie, là, celui-là. Il a pris le contrôle. À chaque fois, il fait ça. Il n'a rien à foutre de toi. Il fait tout le temps ça. Il veut écouter que de la musique. Non, Michel. Tu dis si on fait l'actu de la région. L'actu rapide de Montpellier que nous avons raté cette semaine avec Franck. Et ensuite, Kaiser Panda avec le Portugal. Je t'écoute, Franck. Comment ça va? Oui, salut Koï, salut toute l'équipe. Salut, mon ami. C'est une histoire de regrettable accident, là. C'est limite ça. C'est, en fait, moi, je suis de Montpellier. Et en fait, il y a une dame qui garait sa voiture au parking. Et elle a fait une marche arrière, sauf que sa belle-mère de 94 ans était derrière. Et qu'elle l'a pas vue. Et elle l'a percutée. Et la fin est tragique, c'est que la pauvre dame est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital. Ah non, donc voilà, c'est drôle et pas drôle, évidemment. Elle a fait malheureusement le rêve de beaucoup de gens d'écraser sa belle-mère. Quoi. Exactement, ça donne des idées, là. Non, mais voilà, pauvre, va dire après que c'est un accident. Mais si, mais vous pouviez pas la blairer. Oui, c'est vrai, je pouvais pas la blairer. Mais quand même, je l'ai écrasé par accident. Moi, j'ai un copain qui a écrasé le chien de sa femme. Ah oui, c'est vrai. Horrible. Le chien, il se baladait, genre, il a reculé, il a pas vu. Le chien a voulu traverser. Là. Va ramener ensuite toi un Yorkshire d'un mètre de large. Non. Et de 2 cm de haut. Un paillasson. Je t'ai offert un nouveau paillasson. Comment tu le ramènes? Comment tu le roules? Tu le roules? C'est horrible, voilà. Mais je n'ai pas d'idée. Ça doit être horrible. Oui, ça doit être horrible. Moi, je suis un amoureux des animaux. Mais oui, en plus. Mais je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas. Restez avec nous. On est sur Énergie. Dans un instant, amis et ennemis et plein de surprises. También lo sienta en Venezuela, que lo muevo. Oye, la fiesta vive llama. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no, pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balque. De noche me flauco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el estrés, mamacita. Todo el mundo quiere, toda

D'accord. Attention, écoutez bien. Je vais réserver une table de 12. J'ai des collègues et des amis. Ça finira peut-être en partouze, mais sûrement pas avant minuit. Ça c'est promis. Vous voulez réserver une table ? Pour 12. Et pour quelle date ? Dès que c'est possible. Bah, je sais pas, faut me dire, monsieur. Ça dépend de la partouze. Ça dépend de l'heure de la partouze. J'ai pas encore les confirmations Facebook. De tout le, j'ai, okay, bon, bah, j'ai créé merci, un événement. On travaille. J'ai créé un événement où les gens n'ont pas encore répondu. Présent. Allô ? Tu es parti ? J'ai l'impression qu'il y a déjà du monde pour la partouze. Tu n'aimes pas rire, tu n'aimes pas la moustache, tu n'aimes pas la pipe. Et tu es pipophobe. Et ça, ça n'est pas très bien. Bienvenue sur Énergie, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute ? Frérot, t'as vu, il a tout compris Jérémy, sur moi. Jérémy, frérot. au moins clair. Du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non, le temps du sel, le naturel, d'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut, revoir la belle histoire. De la hauteur, ceci n'est pas un au revoir, car je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. Le top des pires traductions de merde de des produits que vous avez des fois chez vous qui sont donc faits en anglais mais qui sont pas bien traduits en français. Dans le public, qui va à la montagne lever la main en vacances? Ok, 3, 4, 5, 6. Oh, le mec au premier rang, on sent qu'il est obligé d'y aller et qu'il a pas le choix vis-à-vis de ses parents. Hein. La tête, hein, t'as pas le choix. Pas trop, non. Ouais, ça se voit. Le mec, quand tu lèves ta main à 2 km/h comme s'il y avait une ficelle qui te la tirait, tu sais, c'est que bon, il y a un truc qui va pas. Qui part en vacances à la mer? Ok, il y en a qui ont levé la main pour rien du tout, donc d'accord. Mm-hmm. Qui va à la campagne? Ok, tout le monde, il y en a qui a levé la main pour tout, je vais partout, je t'emmerde. Ouais, voilà. Ouais, le problème, j'ai des vacances toute l'année, voilà, c'est tout. Nous avons aujourd'hui le jeu Ami Ennemi. Ils ne s'aiment pas dans la vraie vie parce qu'ils n'ont pas la même cause. Nous avons Cerise de Groupama. C'était sûr. De Maubeuge. Cerise de Maubeuge qui, elle, part en vacances à la montagne. Ça va, Cerise? Ça va et toi, Koé? Ça va bien, ma chérie. Ça va bien. J'adore ce prénom, Cerise. Ah oui, moi aussi, j'aime bien. Cerise. On dirait, hein? Hein? Hey, lèche les cerises de Raymond. Lèche les cerises de Raymond. Cette chanson n'a pas été faite pour toi. Cerise, tu vas jouer contre Isabelle qui habite Strasbourg et qui aime partir en vacances à... La à la mer. Ah, Isabelle. Bonjour Koé, bonjour toute l'équipe. Isabelle, où est-ce que tu aimes bien partir? Dans quelle ville tu pars quand tu vas à la mer? Alors, je vais en général au Cap d'Agde. Ah, tu es donc échangiste? Non, du tout, par contre. C'est vrai? Je connais un peu le coin là-bas, le Natu, mais bon, je suis plus du côté textile, on va dire. D'accord, oui, non, mais parce que généralement, quand on va au Cap d'Agde, quand on traverse la France, excusez-moi, je vais peut-être faire une généralité. Quand on traverse la France de Strasbourg pour aller au Cap d'Agde, c'est généralement pas un hasard. Ouais. Tu vois? Ouais, pas à nous. Non? Bon, j'ai de la famille là-bas. Ouais, ouais. Famille on connaît, famille, ouais. Famille. Poil à poil. Quand tu traverses la France, par exemple, et tu vas en Allemagne, tu vas à la fête de la bière. C'est où? C'est à Munich. À Munich. C'est que t'aimes la bière. Ah bah oui. T'as rarement un mec qui va à la fête de la bière pendant la fête de la bière qui vient de Brest pour dire non, je bois pas de bière. Non, je fais de la famille à Munich. À la fin, elle nous dira qu'elle est libertine. Elle va nous le dire. Elle va lâcher le morceau. Cerise, tu vas où à la montagne? Alors moi, je pars à La Réunion. Ah oui, enfin c'est pas montagne, montagne. Ah si, quand tu vas visiter Cilaos, ma part. Ouais, oui, mais tu vas pas passer tes journées à Cilaos, tu dors pas là-haut. Non, mais par contre à Mafate, oui. Ah oui, c'est un cirque. C'est pas. Je regarde Miko. À chaque fois que j'ai un truc, Miko il me regarde. C'est pas l'American Circus. Genre, c'est pas. Il y a pas de jongle. Il y a pas de trapéziste. Mais c'est quoi en fait? C'est un cratère en fait. Ah, mais c'est lui qui sait pas. D'accord. C'est lui qui sait pas. Ah, mais je. Big mec, je te dis qu'il y a un cirque à La Réunion. Tu crois que c'est pas pas pas mal là? Pas mal. Mesdames et messieurs. C'est une montagne. C'est un truc tout plat. D'accord. Ok. Il y a des gens qui vivent là-haut à Mafate ou à Cilaos. D'accord. Voilà. Il y a de l'eau, si je dis pas de bêtises, de Cilaos. Oui, c'est ça exactement. Voilà. Bon, attention, voici les questions. En gros, vous devez tomber d'accord pour gagner chacune un casque Bose. Un casque Bose. Il est comment? Il est Bose. Il est très Bose. Il est magnifique, il est très Bose. Et il est sans fil. Eh oui, parce que les casques Bose sans fil. J'ai compris la même. Et ils vont pas au Cap d'Agde pour ça, Isabelle. Pas ils le font où ils veulent. Ils s'enfilent. Les casques Bose sans fil à la montagne, les casques Bose sans fil à la mer. Oui. C'est comme Martine. Sans fil partout. Martine. À la plage, à la mer quoi. Première question. Non. Quels vacanciers sont les plus cons? Ceux qui vont à la montagne ou ceux qui vont à la mer? Oh, facile. À la mer. Ah bah faut vous mettre d'accord. Ceux qui vont à la montagne. À la mer, parce qu'ils vont tous à la mer les gens. C'est le jeu les enfants, faut être d'accord. Non mais quelle idée de passer des montagnes, des vacances à la montagne en fait. La mer c'est quand même mieux. Alors oui, donc parce que les poissons pleurent dedans. Qu'elles n'ont pas compris le concept. Le mouvement un peu. En fait, il faudrait tomber d'accord un jour, hein, parce que on est. Ou alors je vous laisse jusqu'à lundi. Mais il faudrait tomber d'accord. Il faut une réponse commune. Il faudrait une réponse. Bah, ok, les vacances à la mer, c'est pas mal. Oh. À la mer? Donc, à la montagne, c'est con. On valide, voilà. Isabelle, à la montagne, c'est les plus cons? Oui, voilà, je valide. À la montagne, c'est les plus cons. Eh bien, c'est vrai. Une étude révèle que ceux qui vont à la montagne sont les plus intellectuels, mais aussi les plus introvertis, les plus... Voilà. Désolé pour tes parents, jeune homme au premier rang. Hein? Non, mais je leur dirai. Ah, ils sont un peu cons. Ouais. Rien. Voilà. Deuxième question. Qu'est-ce qu'on a le plus de chances de choper? Où est-ce qu'on a le plus de chances de choper un cancer de la peau? À la montagne ou à la mer? À la mer. Vous êtes d'accord toutes les deux à la mer? Ah oui, ouais, je pensais que eh ben pas de chance, c'est à la montagne à cause des rayons UV qui augmentent de 10% tous les 1000 mètres. Oui. Plus vous montez, t'es en hauteur. Mais voilà. Pas bon pour l'instant. À la montagne, on a que le visage qui est. Bah oui, mais parce que tu montes pas le reste. Mais parce que t'es pas à poil. T'es pas au Cap d'Agde. Qui c'est qui a dit ça? C'est Isabelle? Je pensais qu'au Cap d'Agde, on aurait plus de chances d'attraper un cancer en fait. Bah non, c'est que tu mets moins de combinaisons de ski surtout. Ouais. Peut-être. Cause-effet, ouais. Logique. Troisième question. Où trouve-t-on l'architecture la plus moche? À la mer ou à la montagne? À la mer. Mais à la montagne. Vous validez montagne? Ouais, moi je valide montagne. C'est à la montagne, bah oui, parce qu'à part les chalets qu'on voit dans les cartes postales, souvent ça ressemble quand même à des HLM russes. C'est des quoi. Barres d'immeubles, oui. Ah, c'est des barres d'immeubles complètes. Dernière question qui vaut 1000 points. Où est-ce qu'on se fait le plus, ou que c'est le plus cher au niveau des tarifs? À la mer, je pense. Je pense aussi, ouais. On est d'accord, on valide?

c'est Coé sur Énergie. Avec toute l'équipe qui est là, merci de nous avoir choisi vendredi soir sur Énergie. Je m'appelle Coé, nous allons être là toute la semaine prochaine évidemment avec un mercredi de Halloween qui va être fantastique. On vous prépare une émission incroyable. Miko est en forme ? Oui, ça va plutôt pas mal. Ça va, monsieur. Alors toi, Bichette, tu vas mourir donc officiellement. Moi, je pense que ouais, là, c'est terminé. Je crois déjà que tu vas contaminer tous les auditeurs qui sont derrière toi. J'ai dit, ne vous placez pas derrière moi. Ils ont fait OK. Il n'y a plus de place ailleurs. Donc tu veux qu'ils se mettent où ? C'est pas mon problème. Voilà, ce week-end, il y a mon Jeff qui va partir en Italie. Oui. Eh, parla italiano. Merci, Bonsoir. Mais comment tu vas dire bonsoir, je m'appelle Jeff, bonsoir, je suis français ? En anglais ? En anglais, en Italie, tu vas aller à Rome, tout le monde parle pas anglais. Hein. Bon, si, tout le monde parle anglais partout. Mais non, oui, maintenant, c'est monnaie courante. Même français, ils parlent français aussi. Qu'est-ce que tu dis, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante, expression de troisième âge, c'est monnaie courante. C'est juste et coutume, j'ai envie de dire. Bon, on a un bon public aujourd'hui, ils sont très très beaux. Il y a du monde, hein ? Il y a du monde, les filles sont belles, les garçons sont beaux. Non, vraiment, ils sont tous bien, il n'y a pas d'erreur. Ils sont propres. C'est le sien. Et ils sont... Pardon. Mais non, c'est, oh la, c'est la ménagère, vrai. La ménagère. T'as pas fait ça. Oh, la ménagère. T'as dit ça, c'est le sien. Pas d'erreur, c'est le sien. À France 3 Région. En plus, elle est fière d'avoir fait ça. Dans un instant, on aura Fabien de Dijon qui nous racontera une actu insolite, mais il faut que je vous lise les pires traductions d'étiquettes du monde. On y va ? Oui. Ah ouais. Allez, il y en a plein. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc sur des saucisses. Il y a un paquet de saucisses. Alors je vous lis la version anglaise. Ouais. Il y a écrit Polish sausage. Ok. Qui veut dire, je sais pas, c'est des saucisses polonaises. Polish. Bah, pas, ça veut pas dire c'est polonais. C'est polonais, oui. Polish. Ouais. Eh ben les mecs, ils ont traduit par polisser la saucisse. c'est sur l'étiquette. Ah, hein. Ouais. Il y a un truc de crabe. Il y a marqué low fat. Tout le monde a vu marquer ça, oui, sur les yaourts. Low fat, les mecs ont traduit faible en gros. Faible en gros. Mais à quel moment? Il y a un truc dans le menu. Ça, j'ai vu des erreurs quand tu vas à l'étranger. Ils te mettent les menus dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'ils font des traductions mot à mot. Ah bah la morue, oui, portugaise est devenue la morve portugaise. Ils ont transformé le U en V. La morve portugaise. Là, il y a un truc coréen. Il y a écrit Tao Tea Korean Citron Juice Drink. Donc du jus de citron de thé, ouais, coréen. Les mecs ont traduit boisson au jus de coréen au citron. C'est un coréen. Ouais, si t'aimes le groupe là qui cartonne, BTS, ouais, bah ouais, t'as du jus de coréen dedans. Oh, tu vas kiffer. Il y a un truc qui a écrit Preserved Cucumber. Donc Preserved, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Préservé. Préservé, ouais, c'est au vinaigre en fait, les concombres. Ah d'accord, bah ensuite ils ont écrit préservatif concombre. C'est peut-être le goût, non? C'est un goût bizarre. Ouais. Et alors, il y a un truc qui peut vous rire de rire sur une étiquette. Alors, je vais vous la lire en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, vous allez comprendre. Alors, 100% coton, jusque-là. Machine wash separately in cold water. Bon, mélangez tout, okay, d'accord. Use detergent. Do not bleach or dry clean. Rinse thoroughly in cold water. Rincez dans l'eau froide. Ouais. Tumble dry low or line dry. Ok, remove rug from dryer and shake well. En gros, tu le sors de ta machine, tu le secoues. Keep away from flame, tenir à distance de la flamme. Ouais. Je vais vous lire la traduction qui a écrit en dessous en français. 100% coton. La machine se lave séparément dans l'eau froide. L'usage détergent doux. Ne pas blanchir ou sécher propre. Rincer à fond dans eau froide. La chute sèche le niveau bas ou la ligne sèche. Enlève le tapis le plus sec et la secousse pendant qu'il étouffe bien. Évite la flamme. Ça veut rien dire, c'est mot à mot. C'est Google Translate. Je crois que c'est ça. Hein. C'est clairement c'est ça, ouais, en fait. Hein. Je crois que c'est ça. Ouais, je vous en fais un dernier. Il y avait un truc rock glass plus ice ball. Il y a écrit Truly a new way to enjoy on the rocks. Okay. Ça veut dire une nouvelle façon aujourd'hui de kiffer sur des glaçons. Voilà. Les mecs, ils ont traduit par manière spéciale de jouir sur les rochers. Oh. Bienvenue sur l'énergie, merci d'être avec nous. J'espère que vous va bien chez vous et que vous passez un bon moment. Si vous êtes en voiture, vous partez en week-end, soyez prudent. Non, c'est important, hein. Vraiment. Je veux vous avoir en un morceau, donc prudence, faites gaffe au radar surtout. Faut respecter quand une lionne arrive à tout gérer. Un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot. Non, non, non, non. Et tu peux lire sous ses paupières. Déterminée, elle agit. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Comment gérer sa vie charismatique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques. Elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Vous connaissez le principe de la petite annonce de merde, c'est que, en gros, si on arrive à faire reconnaître à la personne que c'est de la merde, on lui dira, bah écoutez, si c'est de la merde, on vous l'achète pas. Et tout le public va le faire avec moi. Regardez bien, on va s'entraîner. Il faut dire, on vous l'achète pas. Donc, eh bien, si c'est de la merde, on vous l'achète pas. Voilà, bordasse, il faut pas crier aussi fort que les gens, sinon on les entend pas. Tu comprends, Mininem, what I say? Mininem. Ok. Donc, si c'est de la merde, on va les aider quand même. Alors, les dossiers, c'est vendredi, ces dossiers. Ah oui. Il y a là, ça circule des doses. On sait que Bordas et Pierre, notre assistant, ils sont encore colocataires pour quelques semaines. Oui. Et Bordas a dit partout que des fois, Pierre, non, ne changez pas de caleçon pendant au moins quelques jours. Oh. Il nous a dit une semaine. Mais t'es vraiment une balance, Pierre. Qu'avez-vous à répondre à cela? Alors déjà, je précise que c'est faux. Bien sûr, c'est deux semaines. Et il a voulu me faire payer pour jouer à FIFA. Il voulait que je paye non, la moitié du jeu. Non, t'es sérieux, mec? T'as fait ça? Mais non. T'as demandé au mec de payer la moitié du jeu. Genre, tu veux jouer, tu payes. Mais n'importe quoi. Exactement. C'est moche ce que tu fais. Pas du tout. Non, t'as l'air tout gêné là. Mais c'est un tortionnaire. Attendez. En fait, c'est horrible parce que là, t'as mis ta capuche sur la tête. Je te jure, mec, de face, on dirait Eminem, mais de côté, c'est un schtroumpf. Sans rien. De côté, ça lui fait une bosse derrière, on dirait. Alors, schtroumpf frappeur. Schtroumpf radin, visiblement. Déjà, le truc du caleçon là. Oh, vite. Je l'ai pas dit, je l'ai dit à quelqu'un en secret. Je sais pas comment tu l'as su. Comment? Le truc du caleçon. En secret? Ouais. Dans la salle dans le bureau avec 10 personnes, t'as passé en secret. T'es rentré, t'as dit le mec, t'es arrivé, t'as dit. Eh, faut que je t'en raconte. Mec, des fois, ça dure une semaine. Non, en salle de maquillage, non, on était tous là. Mais non, mais il est ouf. Déjà. Non, je te jure. Tu sais, attends, je vais t'expliquer un truc simple. C'est de la physique quantique. Tu peux parler à un mec qui est devant toi. Mais c'est pas parce qu'il est devant toi qu'il est seul, il y en a peut-être 15 autour. Ouais, c'est vrai. Et qui entend. Voilà. Ouais. Il est con. Pour FIFA. Et moi, je me brosse les dents le week-end. Oh, oh, oh, c'est ça. T'es sûr que tu veux pas attendre dans ce dos-là? Allez, on y va. Allez-y. Allez, moi, je fais... allez contre-attaque. Allez, non, moi, vite, pas dit. Vite, je tourne plus le temps. C'est le jeu, hein. Dis-moi à l'oreille, vite, je veux dire si tu peux le dire. Dis-le-moi à l'oreille, attention. C'est urgent, dis-le-moi à l'oreille. Et ris pas dans mon oreille, dis-le-moi. L'autre, il s'approche, je fais... C'est pas ça qu'on a demandé. Mais si tu m'as craché dans l'oreille, mec. Ouais, mais t'es malade, Coco. Ça a rapport avec ça. Non, tu peux pas le dire. 19h. C'est quoi? Ah non, non, c'est pas si frustrant. Non, tu peux pas le dire. Même avec des mots. Avec des mots autres. Avec des mots légers. Ouais. Vas-y, Coco, dis-le toi. Il m'a dit, il faisait parler sans trop de balles. Quoi? Ouais, c'est exactement quoi comme tu me l'as dit d'ailleurs. Tu lui dis, il dit quoi? J'ai pas compris. Je sais pas, c'est pas moi qui vis avec moi. Je pète. J'en déduis que si tu fais parler ton. J'ai pas compris. Bon, je vous laisse entre colocataires. C'est moche. En attendant, les amis, avant d'en faire l'actu insolite. Il dit je pète. Il est pas sûr. Non, ouais, Pierre, en tout cas, je te le souhaite. Hein. Parce que si ça ne t'arrive pas, tu vas mourir. Hein. Tu vas mourir gonflé. Ceci explique peut-être l'odeur du caleçon. Je rappelle. Que dans un instant, nous parlerons du Nil pour les Instagrammeurs. Je vous expliquerai ça dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on fait une bise à Fabien qui habite Dijon. Ça va, mon Fabien? Salut Coé, c'est tout le monde. Salut Fabien. Bonjour, Fabien. Fabien, attention, on continuera tout à l'heure les pires traductions d'étiquettes. On en a plein. Les gars, vous n'allez pas vous excuser. Si, ils sont en premier d'aller. Vous n'allez pas vous expliquer maintenant, quand même. Et en plus, ils font des gestes. Non, mais je ne comprends pas. C'est bon, j'ai compris. Alors que tu le fais. Parfois, pour te déconcentrer à FIFA. Non, je veux pas savoir. Non. Ah, mais comme il a payé. Non. Il fait bonjour, monsieur. Pas, non, ça va, les gars. Gars, c'est bon. Moi, je trouve que vous formez un beau duo. Restez ensemble. Quand il y en a un qui fait parler ses fesses et que l'autre l'écoute, restez ensemble. Hein. Je vous trouverez jamais un autre colocataire que ça fait rire. Hein. C'est même limite un couple. Hein. Moi, il y a un type qui arrive, il fait parler ses fesses pour dire bonjour. Moi, je le dégage. Hein. Dis donc, tu trouves pas que j'ai la laine chargée aujourd'hui? T'aurais pas le pastis à la menthe. J'ai un peu mal à la gorge. Bon allez, Fabien. C'est vendredi, excusez-nous. On se lâche un peu, c'est les vacances. On a été raisonnable toute la semaine. Plutôt que d'être en vacances, on est là, alors on craque un peu. Voilà, c'est normal. Voilà. Moi, un coloc comme ça, j'en veux bien. Voilà. Ah bah écoute. Fabien, tu veux quelqu'un qui fait parler ses fesses? Ouais, c'est de l'ambiance. Ah ouais. Eh bien, Fabien, d'accord, on te le trouvera. Il préfère pire à Bordas. Fabien, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as trouvé à Dijon? Moi, je suis à Dijon. Je pensais qu'il se passait rien à Dijon. Je pensais qu'il y avait le seul truc qui allait se passer à Dijon, c'est une pénurie de moutarde, tu vois. Et en fait, il y a un mec, un Suédois, il était recherché pour meurtre en Norvège par Europol, Interpol, tout ce qui finit par Paul. Et Paul, tous les Pauls. Les boulangeries Paul le cherchaient aussi, pareil. Pareil. Et le gars, il a été arrêté dans un TER en gare de Dijon. Non, mais la loose, quoi. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Mais en fait, bon, apparemment, il y a eu un vol, puis il y a eu ça a mal tourné, le mec, il a tué 2-3 personnes. Ah oui, d'accord, c'est un petit détail, quoi. Regrettable accident. Ah oui, oups. Et ça, c'est en Norvège. Et donc, du coup, le gars, on n'a pas compris, le mec, il sait même pas, je pense, ce qu'il fout là. Il a été arrêté à Dijon. Sans déconner, il est dans Prison Break. Le mec, dans Prison Break. Il y a des fusillades dans des trains, dans des avions, c'est un truc de malade. Lui, il s'est arrêté dans un TER à Dijon. Bah oui, mais peut-être qu'ils sont en train de préparer Prison Break Dijon, tu le sais pas. Tu le sais pas. Je te fais un gros bisou, mon ami. Je t'embrasse, Fabien. À bientôt. Allez, je t'embrasse. Dans un instant, il y aura le qui tu sais. Deux personnes. Il faut trouver un objet. Je donne des indices. Le premier qui trouve qu'est-ce que c'est, il gagne un gros cadeau. Voici Georges Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a summer. you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. On est sur Énergie. Quelle rigolade. Il faut que je vous lise encore le top des pires traductions de merde. Et puis après j'arrête, je vous en lis encore quelques-unes. Ah ouais. Voilà, il y a un truc ouvrez la, abraser à la perforation. Ça veut dire ouvrez au niveau des pointillés, pointillés. L'ouverture, ouais. Quoi, l'ouverture. Voilà, ils ont traduit par ouvrez-vous à la perforation. Ouvrez-vous à la perforation. Alors il y a un truc qui vient de Made in Taiwan. Donc plutôt que d'écrire ne pas avaler, ils se sont trompés, ils ont dit ne pas en aller. Non, ça ne se met pas dans cet endroit-là, pas non. Pareil. Même. Ni dans la bouche, ni dans les fesses. C'est pas des suppositoires. Non. Il y a un truc qui me fait rire. Il y a un pull, il y a marqué 60% de rabbit hair. Hein, bah les mecs, ils ont mis 60% de cheveux de lapin. Voilà, ils ont traduit mot à mot. Bah oui, c'est des cheveux de lapin, bien sûr. Il y a un truc du Disneyland, il y a écrit une assiette, il y a écrit microwave and dishwasher safe. Et ça veut dire donc micro-ondes, ça peut être au micro-ondes. Ça passe au micro-ondes et à la machine, voilà. Et ben là, ils ont traduit par coffre-fort pour la micro-ondes et le lave-vaisselle. Made in Thailand. Hein, mec. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un oreiller, il y a écrit Stuff It Travel Pillow. Ouais. Qui veut dire, je sais pas quoi, Stuff It. Bon, bah, ils ont traduit pour oreiller de voyage pour fourrer. Ensuite, il y a un truc, il y a écrit Manufactured in a Wheat Free. And nut free factory premise. C'est nut free, c'est sans noisette, c'est ça, non? Ouais. Sans noix. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Voilà, et donc là, les mecs, ils ont traduit par fabriqué dans une usine sans blé et sans écrou. merci, c'est ça tient pas en fait. Ah, Reese, il y avait écrit pack a snack. Ils ont traduit par prévoyez une petite gâterie. Mais non. Et alors, celui, alors il est... Mais il y en a deux, trois sympathiques. Ouais. Il y a un truc de logo de pays. Ils ont mis. C'est un truc, c'est ça, hein? Par pays, ouais. Ils ont mis plein de pays. Oh là donc là. Ils ont mis le Japon, la Corée du Sud, la France. Ils ont mis le drapeau allemand. Pas de chance, ils sont allés sur internet. Ils ont pris le drapeau allemand de la Seconde Guerre mondiale. C'est un drapeau nazi. Ils ont mis le drapeau nazi. Mais des abrutis. Oh, ils ont dû se dire ça a pas changé. Il y en avait un dernier. Et ça ne veut absolument rien dire. Je traduis par ça. Warning, decorative purpose only. Attention pour les children. C'est que des mots. Tu sais qu'ils sont séparés. Batteries swallow. Donc les batteries peuvent s'avaler, etc. Mmh. Les mecs, ils ont traduit par. Écoutez bien. Attention pour le but décoratif seulement. Non destiné aux enfants. Si une batterie est hirondelle, voir promptement le docteur. Merci, bonsoir. Restez avec nous. Ça fait rien. Débrouille-toi avec la notif. Le kiss, c'est la petite annonce de merde. Et pas mal de surprises. On est dans la dernière heure d'émission. À 20h, c'est le Ricochon. Je n'ai rien vu de cette émission. Non. À tout de suite. Faux stars préférées reviennent tout à calme. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Le Crédit Mutuel donne le la aux Energy Music Awards avec Rifix.fr. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Qui passait sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi peu d'espoir. Vous passez souvent tout près des femmes et des hommes qui travaillent pour vous sur les routes. Pour leur sécurité comme pour la vôtre, soyez toujours attentifs. Sécurité des agents des routes. À vous aussi d'écarter le danger. Journée exceptionnelle à la Grande Récré, des promos tous les jours. Du 25 au 28 octobre, pour un jouet Lego acheté, le deuxième est à moins 50%. Oui, moins 50% sur le deuxième jouet Lego. La Grande Récré. Remise sur le moins cher des deux, offre non cumulable. Liste des magasins participants sur lagranderécré.fr.

encore une auditrice ou un auditeur qui va partir faire un tour. Plus fort la musique, non? T'es déjà en boîte, t'es déjà en discothèque. Tu me ressens le bouteille. Mec, j'ai l'impression que je suis à la technoparade là, je suis sur un char énergie. T'es un peu fort là, non? C'est pas la musique qui est forte, c'est nous qui sommes moins forts. Oui, non, oui, c'est ça, différent. Bien sûr, ouais, ouais. Et comment il t'a embrouillé? Bon, en attendant. Direction les 5 Seconds of Summer à Madrid, concert, rencontre du groupe. Ça va être magique. Je tirerai au sort quelqu'un qui a envoyé avec le bon hashtag tout à l'heure, peut-être le double hit David Guetta, pour aller faire un tour au Energy Music Award. Faut que je vous lise cette info quand même. Vous savez que tout le monde en ce moment prend en photo. Dès que vous êtes en vacances, les gens prennent des photos. Et moi, j'ai vu cet été à Ibiza un phénomène incroyable. Je vous jure que c'est vrai. Je n'ai jamais vu autant de mecs qui prennent en photo leurs meufs. Oui. C'est-à-dire que les nanas, elles font Yes, you can show me. Ok. Elle se met en position, comme ça, avec le maillot derrière. Et le mec, il prend une photo. Non, elle regarde. No, it's not good. Et il y avait à un moment donné jusqu'à 2 ou 3 nanas qui se faisaient photographier avec le même panorama derrière. Et alors, je vais vous dire un truc. J'ai vu les filles poser. Les talons, la cuisse relevée, la fesse en arrière, les seins en avant. Ah, la photo était très belle. La nana, quand elle se remet en position normale et qu'elle retourne au bar. Ah, c'est Godzilla contre-attaque, hein. C'est pas la même. Hein. Ah non, mais c'est pour ça, arrêtez de liker les bonnes nanas. Quand elles sont en vrai, elles ressemblent pas du tout à la photo. Moi, j'ai vu les making-of, ça ressemble pas à ça. Eh bien, Fujifilm, vous savez ceux qui font les films. Oui, oui, bien sûr. Ils ont fait une île, c'est dans les îles Fidji, uniquement faite pour les gens qui font des photos sur Instagram. Ah, oui, 8 personnes à chaque fois, à chaque jour, qui avec un photographe, suivi par un photographe, pour faire de très belles photos pour aller sur les réseaux sociaux. Magique la vie d'un Instagrammeur influenceur, c'est beau, hein? Pas mal. Tu payes plus rien, c'est ça. Mais par contre, t'es obligé, t'as quelques contraintes quand t'es influenceur. Comme quoi? Tu te lèves le matin, t'as la tête dans le cul, mais tu dois faire une photo avec. L'Amérique-Corée, t'es obligé, tu vois. Ah, c'est ensuite, bah, oui, ensuite, tu prends ta douche, mais il faut faire une photo avec. Douche soin douceur du Japon. Ushuaïa, partageant toutes les beautés du monde. C'est normal. Après, tu t'habilles, mais en te photographiant avec. Le slip français. Ouais, en fait, ça, le slip français. Après, t'es obligé de faire tes photos sponsorisées. Bah oui, parce que si tu fais pas tes photos sponsorisées, c'est. Pôle emploi. Voilà. T'es obligé. On dit bonjour à qui? J'aurai la petite annonce pourrie dans un instant. J'ai Florian et j'ai Samy qui sont en ligne pour le qui se sait. Ça va, Florian? Ça va, super. Salut Florian, c'est plutôt cool. C'est vendredi, j'ai envie de te dire paix sur toi, Florian. Ça va, tu. C'est génial, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te prendre. On va bitcher tous les deux sur la plage, on va marcher, on va être trop cool. Oulala, t'emballes pas. C'est génial, on se partagera une note coco, on va planer. Florian, je te présente Samy qui habite Paris. Salut Samy. Salut les gars. Donc, on est vendredi, on va tous se parler comme ça, d'accord? Pas tous en même temps, par contre. Plaisir, s'il vous plaît. Ok, tu fais quoi, Samy, dans la vie? Je suis électricien. C'est génial, on est en phase. Bonne vanne. Ok, et Florian, tu fais quoi dans la vie? Eh ben, idem, électricien dans le bâtiment. Génial, t'es à la masse, bonne vanne. J'ai l'impression qu'on a des lumières. Je crois qu'on a eu un petit coup de foudre. C'est pas mal, ça. Attention, les gars, hein. Moi, je suis là. Ok, je t'empère. Ampère, vanne d'électricien. Joli. On y va? On est parti? C'est parti. Vous êtes parti? Attention, on y va. Le premier qui me reconnaît le qui tu sais, il gagne quoi, Stouf? Une Google Home. Attention. Florian, Samy, vous me balancez tout ce qui vous passe par la tête, d'accord? C'est parti. On le reconnaît à sa boule. Ah bah faut balancer des idées, les gars, hein. Ouais, n'hésitez pas. Une quille. Une quille, bah voilà, non. Fabien Barthez. Non. Deuxième indice. Sa boule est très dure. Rocco Siffredi. Non. La droite, elle est très dure. Plus qu'à la gauche. Non. Quand t'as cette boule derrière toi, c'est que tu vas tirer. Un attelage de voiture. Bah oui, bah voilà, une attache caravane, je valide, voilà. Bravo. Allez, C'est qui? Voilà, c'est Florian. Bravo Florian. Florian Lyon qui a été le premier. Bravo Florian. Bravo Florian. J'ai gagné, je suis vraiment content d'avoir joué avec vous. Bah génial, bah tu sais quoi, j'en ai les tétons qui font clap clap. C'est ça qui est génial. Bravo alors, Florian, oui. Je te fais un gros bisou. Si j'ai bien compris, j'ai perdu. T'as perdu. Vu que t'as pas gagné. J'ai gagné, t'as fait mal. Ah, c'est le bad. Ouais, mec, félicitations. Entre l'électricien. C'est lui qui a gagné. Merci, bon concurrent. Faites-vous un bisou. Ouais, merci. Bisous. Ouais, les électriciens peuvent se faire des bisous. C'est ça qui est bien. Ils peuvent. Allez, je vous coupe. Bisous. Merci d'être avec nous sur Énergie. Dans un instant, la suite. Nous aurons la petite annonce de merde. Le public est prêt. Attention, on va se faire une répète. Alors, si on vous l'achète pas. Ah non, merde, c'est pas ça. C'est... Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la lay. Danse danse à la vie à l'amour. Lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la lay lay lay lay lay la la lay. Danse danse à la vie à l'amour. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï, laï. Merci d'être avec nous. C'est des malades. Ils sont revenus les malades. Bon, il faut que je vous parle de quelque chose, mais j'ai complètement mis quoi. Non, je suis désolé, quand j'ai voulu faire le truc sur la petite annonce de merde. Tu t'es un peu planté, ouais. Je me suis un peu planté. C'est. Si ah, c'est bah alors, merde, si c'est de la merde. On vous l'achète pas. Là, on est bien. Là, on est tous synchro, on est tous comme ça. Tout à l'heure, encore un gagnant avec les 5 Seconds of Summer qui vont peut-être partir. Des gens qui ont tweeté avec le hashtag 5SOS à Madrid avec Coé sur Énergie. Et grâce à Énergie, vous allez pouvoir y aller, tout frais payé. Oui, Miko. Est-ce que je pourrais écouter les cerises de Raymond? Tu veux dire mettre Gims à l'envers? Absolument. Lécher les cerises Lécher de les cerises de Raymond. Lécher les cerises de Raymond. Voilà. Faut qu'on le joue. Hein. Les auditeurs n'ont pas la tête que tu fais à ce moment-là. Les cerises de Raymond. Dans un instant, nous allons entendre le titre de Lady Gaga. Oui, c'est la BO de Star Is Born. Ah, alors qui a vu Star Is Born dans le public? Qui a Oula. Gros succès dans ce 0% quoi. Ah quand même. Personne. Qui l'a vu autour de cette table? Ah, pas encore. Non. Pierre, t'es sérieux toi? Bah, j'ai pas eu le temps. Ouais mec, t'as pas eu le temps. Tu rentres tous les soirs chez maman, t'as mais pas non, le temps d'aller au cinéma. C'est pas ça, c'est que la dernière séance à l'heure où on termine, je la loupe. D'accord. tu habites dans la Creuse. On termine à 20h, mec. Et les week-ends. On termine à 20h. On n'a pas de dernière séance. Non, c'est mais fini. Si, elle est à 20h40, et le temps de partir. Mais tu me prends pour un con, à Bercy, c'est 20h40. Bah, vas-y, après, on a d'autres. Je regarde maintenant. C'est trop tard. C'est le cinéma à minuit. Couché à 21h. Tu peux y aller à 22h. Non, c'est trop tard. Ah, d'accord, désolé. Mais non, non mais désolé, je suis désolé. Maman ne veut pas. Mais si, elle vient avec moi, on dort tôt. Mais arrête putain d'être vieux, toi. Mais mec, on a l'impression que t'as 60, t'as 70 ans. Toi, moi, je suis en forme toute la journée. Vous avez les têtes de déterré, vous. On n'a pas été têtes de déterré. La dernière, quand on arrive, on se voit le matin. Vous avez des gueules comme ça. C'est parce qu'on est malade en ce moment. Ne me parle pas comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que tu te couches tôt quand même. Ouais, mais je suis un couche tôt et je suis un lève-tôt. Mec, mais c'est pas aller au cinéma une fois dans la semaine. Arrêtez de me juger. Mais si, je vais y aller. Ça arrive. 22h. C'est ce que je viens de dire, t'es con quoi? Non. Mais 22h c'est trop tard. Bah oui, c'est trop tard, ça finit à minuit et demi. Bah oui, ah bah oui, le temps d'entrer. Une fois dans la semaine, tu veux pas te coucher à minuit et demi. Si, sauf que là, dernièrement, j'ai pas pu, c'est tout. On avait des trucs prévus, bon, tout ça, donc le petit. Tu l'as vu, Sauf? Oui, je l'ai vu. Alors, moi aussi d'ailleurs. Ouais. Oui, bah oui, c'est pas mal. Moi, je vais vous donner mon avis. Longueur. Je vais vous donner mon avis. C'est trop long. Oui. Mais tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu. Tu vois, je me serais couché tard. Si, il l'a vu, on c'est, en a parlé. C'est trop long, c'est très beau. Ouais. C'est une belle histoire. C'est un rôle d'acteur. Mais ça parle de quoi? C'est son histoire à elle? Non. C'est un mélange de plein de trucs. C'est la descente d'un artiste. Lui, en gros, cherche une nana, prend une nana, il la monte sur scène, elle n'est pas connue, elle chante dans les bars. Okay. Et elle monte très très fort, alors que lui, il chute de plus en plus, il est alcoolo, il a les drogues. Moi, il a mélangé les deux personnages, parce que Lady Gaga était un peu connue pour l'addiction aux drogues, etc. Ouais, et aux calmants. Donc c'est un peu mélange des deux. Okay. C'est un très beau film. Oui. Il joue très bien. Mais la performance d'acteur de Lady Gaga est incroyable. Ce mec, lui, il chante. Bradley Cooper. Oh là là, lui, sa performance de chanteur, elle est incroyable. Mais c'est long. C'est long. Il dure combien de temps? Et je pense que c'est un vrai film de fille. C'est-à-dire, oui, je pense c'est que. Okay. Non, mais je le dis honnêtement. C'est un bodyguard. Moi, je l'ai regardé et j'ai soufflé, quoi. C'est beau, mais à un moment, j'ai regardé ma montre, j'en pouvais plus. Parce que les bons sentiments, c'est très féminin. Voilà, je pense que c'est comme Glee. Glee, j'ai jamais été très réceptif à Glee. Ah, mais il n'y a que Jeff dans cette équipe qui est réceptif à Glee. Mais c'est un truc de fille. Non, c'est un truc de fille. C'est la comédie musicale, ça? C'est mais ça? C'est ça chante et ça se passe. Ouais, c'est ça. C'est comme High School Musical, en fait. Mais pas du tout. Rien à voir. Ah ouais? Voilà, allez. Il assume pas du tout. Pas d'autre argument. Mais bon, c'est un très beau film. Donc, dans un instant, on entendra Lady Gaga. On fait un bisou à Stéphanie. Stéphanie, quelle est l'info dans l'Aisne? Dans quel coin de l'Aisne? À Saint-Quentin. Saint-Quentin. C'est la maison. Saint-Quentin. Hein? Saint-Quentin, t'habites où? Saint-Quentin, exactement. J'habite pas à Saint-Quentin, moi j'habite à côté, enfin à côté, à Lens. À Lens? Pourquoi tu dis Saint-Quentin? J'ai fait mes études à Lens, moi. Non, Saint-Quentin, c'est mieux. J'ai fait mes études à Lens. C'est beau, Lens, arrête. Hein. Mais j'ai pas dit que c'était pas justement, bon. Justement, c'est ce qu'il te dit. Vous comprenez rien quand on vous parle ou quoi? C'est pas ce soir. Je dis, j'ai grandi à Lens, il me dit, c'est beau Lens, pauvre con. Mais non, mais. J'ai pas dit que c'était lâche. Mais non, mais c'est fou, les gens ils comprennent, comme hier avec Capucine à Nave, tu dis un truc, ils vont répéter autre chose de ce que tu as dit. J'ai dit, j'ai fait mes études à Lens. Non, c'est très bien. Faut pas se sentir. Mais c'est bien, mais oui, c'est vrai. Mais faut pas se sentir agressé. Pourquoi tu dis Saint-Quentin alors? Mais pourquoi tu dis Saint-Quentin alors que t'habites Lens? Mais parce que c'est une info insolite qui s'est passée à Saint-Quentin. Ah bah voilà. Non, c'est vrai qu'à Lens, il se passe pas grand chose. Mais. Si, c'est bien. En bas de Lens ou en haut de Lens tu habites? J'habite en bas de Lens. En bas de Lens, quel coin? Quartier Champagne? Non, enfin un petit peu à côté. D'accord, t'as vu, je connais. À côté tout. De Carrefour. Ouais, je connais, très bien. Ah, je connais bien. Hein. Faut pas me la faire. Hein. Pour aller sur le lit. Si comment? On te donne rendez-vous. Tu vas te calmer, toi. Enfin, mon ex-belle famille qui habite là-bas. Je vais quand même pas y aller. C'est très beau, Lens. On donnait rendez-vous. Toi aussi. Toi aussi. Non, mais c'est magnifique, Lens. C'est très joli. Moi, j'étais au lycée Paul Claudel en haut de Lens. Voilà. Donc, voilà, et j'ai passé de très belles années sur une très belle ville. Oui. Sérieusement, hein. Oui, c'est pas foufou au niveau de la déconne ni de l'ambiance. Mais c'est une très belle. Il se passe pas grand chose, malheureusement. C'est pas très grand. Ouais, ils essayent quand même, ils essayent. C'est bien, ils essayent. Eh oui. On n'a pas dit qu'ils y arrivaient, mais. Voilà. Ah, c'est elle commence, ça y est. Stéphanie, je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Aisne? Saint-Quentin. Eh bien, figure-toi qu'un homme vivait avec le cadavre de son père qui était décédé depuis 10 ans. Ah, vous avez raison, c'est une belle ville. Oh, vous avez raison. Oh, mais c'est sympa. L'avantage, c'est que comme dans l'Aisne, il picole, le corps était conservé. Hein. C'est comme les cerises. T'as vu les cerises dans le bocal? Dans l'autre vie, ouais. Bah, papa, il bougeait plus. Le plus triste, c'est qu'ils l'ont trouvé parce que le monsieur est mort. Enfin, le deuxième, celui qui vivait avec son père décédé depuis 10 ans. Ah, bah, c'était pareil, il bougeait plus. Les deux, ils bougeaient. Les deux, comme de la cerise dans l'alcool de vie, pareil, ils bougent plus. Non, mais c'est incroyable. Le mec est mort et c'est en allant chercher le mec mort qu'ils se sont rendus compte que son père était mort depuis 10 ans. Il était toujours là. C'est glauque. Oh, c'est triste. Mais l'odeur. Ah bah, mais c'est horrible. Horrible. Je collectionnais pas. La conversation, ça devait être mort, quoi. Comment ? La conversation entre eux, ça devait être mort. Ah, tu as fait une petite blague. Ah, je suis désolée, je sors. C'est pas mal. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va. Bon, je te fais un gros bisou. Mais quelle horreur. Comment tu peux vivre avec le cadavre? Je l'ai eu dans mon village, ça. Quoi? À côté de Saint-Quentin. Une fille qui vivait avec un mec, ils n'avaient pas le même âge. Puis un jour, la fille a disparu, mais genre, ils s'étaient séparés. On ne la connaissait pas. Et quelqu'un a racheté la maison 10 ans après. Il a cassé la dalle sous la cave. Ils ont trouvé la fille dedans. Comme ça. C'est, c'est sympa, votre région. Ah oui, c'est cool. Bah, on passe le temps, hein. Bah, tiens. Bah, rien d'autre à faire. Hein. Bah, on se réchauffer. On s'occupe comme on peut. Hein. Bah, oui, elle a raison. On s'occupe comme on peut. Hein. Bah, quand on s'ennuie, on garde les gens morts. Oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Voilà. Voilà. Des natures mortes. Voilà, c'est comme c'est ça. C'est bizarre, quoi. C'est comme ça. On les garde à côté du chien empaillé. C'est comme ça. Oh, allez, gros bisous ma petite Stéphanie, je t'embrasse. Bisous. Bisous ma belle, bienvenue. Je vous invite à visiter la région, hein. Bien. Vivement un spectacle à Saint-Quentin pour le One Man, on va y aller. Bientôt. Ils sont incroyables au niveau de l'ambiance. Voici Lady Gaga justement, on va découvrir. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself. SOS et nous allons jouer avec le public. Ah non, ils n'ont pas l'air contents. Bah, ils n'ont pas le choix. Ils sont surpris. Ah oui, ils n'ont pas le choix. Nous allons jouer. À quoi on va jouer? Je ne sais pas le truc, on verra ça dans un instant. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Petite annonce d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vend des pinces à linge. Alors, bon, déjà, pinces à linge, c'est quand tu habites à la campagne souvent. Hein. Oui, c'est sur le truc un fil, que tu mets, voilà, tu mets ça sur un fil. Connu. Pour pas que ça s'envole. Pinces à linge, tout le monde dit ça. Oui, mais tout le monde ne l'utilise pas forcément, c'est ça que je veux te dire. Quand tu mets à l'extérieur. Voilà, c'est quand tu mets à l'extérieur pour pas que ça s'en aille. Là, c'est des pinces à linge en bois Victor le Pirate. Alors, je ne sais Victor pas. Victor le Pirate. Hein, Victor le Pirate, 5 euros les 24, 3 couleurs, jaune, rouge et verte. Deux motifs, pirate et chasse au trésor. Oula. Très beau. Très beau. Pour les enfants. Très beau.

lèche moi. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombardé, bom, bom, bombardé. Tu veux que bombardé, bom, bom, bombardé. Tu veux la plus bonne, moi, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. Il a vécu toutes les guerres. Enfin, les guerres de Booba. Booba Lafouine, Booba Gims, Booba Caris. Je sais pas si on les étudie, celles-là, à l'école. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Dernière partie d'émission avant d'avoir la suite de nos camarades qui vont arriver là, le Ricochet et tout le monde. J'espère que ça va et que vous allez tous passer un bon week-end. C'est tout ce que je vous souhaite. On ira faire un tour du côté du public dans un instant. J'ai envie de savoir. Réfléchissez-moi tous à tout ce que vous allez faire ce week-end. D'accord? Vous pensiez à un truc que vous allez faire ce week-end. On va vous passer le micro. Vous faites quoi ce week-end? Qui est pas un. Je sais pas. Rien. Bah, je sais pas. Je vais lécher les cerises de Raymond. C'est ça. Ça reste pas. Un gagnant tiré au sort. Attention, on y va. C'est parti. Bim. Oh non, pas envie. Bim. Non, pas envie. Bim. Allez. Bim. Je choisis, c'est moi qui choisis. Oui, c'est toi qui choisis. Bordas, oui. Sors. Il m'a tapé. Sors. C'est lui qui m'a tapé. Sors. Allez, bon week-end. Tu sors. Il m'a tapé avant. Tu sors. Non. Tu es collé derrière la vitre. Dépêche-toi, sors. Il m'a tapé avant. Je vais pas taper. Va là-bas. Va là-bas. Il reste pas. Derrière la vitre. Allez. Non, c'est pas dit. Laisse tes affaires. Je crois que ça répond pas. On dirait le prof de français. Sors d'ici. Allô? Non, c'est vrai. Première fois qu'il y a un truc vrai. Allô? Messagerie. Non, c'était une messagerie. Messagerie. Bah t'avais qu'à être là. Je sais plus comment il s'appelle. C'était qui? C'était Pauline. Eh ben Pauline, c'est perdu. Allez hop là. Suivant. Eh oh. Ah ouais, attends, il faut qu'elle décroche. Oui, fallait répondre. C'est le jeu, ma pauvre Thérèse. Moi, je distribue du bonheur, je distribue de la rigolade, je distribue de l'amour et de la gentillesse. Faut répondre présent. Et à un moment, faut être là. Oh, elle va prendre le même chemin. Non, allô, Axel. Axel. Bonjour Axel. Bonjour, c'est cool. Ouais, je sais, je fais souvent pleurer. J'aime pas. J'y fais peur. C'est mon côté. Pas. Tu sais quoi? C'est mon côté Bradley Cooper. Tu es ma Lady Gaga. Je te fais chialer. Hein, tu pleures. Et je ne suis pas. D'ailleurs, je vais dire la fin du film. Non. Ah, t'allais spoiler la fin. Oui, j'allais spoiler la fin. Oh non. Ah, non, dis pas ça. Attention. Y a pas Thanos dans le film. Non. Tu es prête? C'est pas le même. Oui. Tu es fan des 5 Seconds of Summer? Ouais. Tu as hashtagué? Ouais, beaucoup. Parce que tu as été tiré au sort? Oui. Et comme dirait notre auditeur d'il y a deux minutes? Je crois que ça va te faire plaisir. Tu pars à Madrid, ma chérie, voir le concert des 5 Seconds of Summer. Ouais. Tu leur feras un bisou pour nous, tu ramènes des photos, hein? D'accord, t'es contente ou pas? Tu vas rencontrer le groupe, tu vas aller voir, tu iras en répétition, tu vas kiffer, ma belle. Merci beaucoup, Chloé, merci. Je crois qu'elle est émue. Oui. Je crois qu'elle est contente, un petit peu. Ouais. Plaisir. Je te fais un gros bisou. Tu vas partir avec qui? Elle peut partir avec quelqu'un? Oui, bien sûr, bien entendu. Avec qui tu vas partir? Je partirai avec l'une de mes plus proches amies qui s'appelle Alizée. D'accord. Bah voilà. Ouais, c'est pas sa faute. Oui. Alizée. Quand elle dans le salon de chat. Bah voilà. Quand elle dans le salon de chat. Bisous, ma belle. Ne raccroche pas, on va tout vérifier, d'accord? D'accord, ok. Je t'embrasse fort, mouche-toi. Mais t'es contente quand même. Mouche-toi. T'es horrible. Non, parce qu'à l'occasion, on va sortir avec une petite mouquette un peu sèche là. Oh non. Et quand t'as une mouquette qui pendouille, tu perds toute dignité. Voilà, bisous ma belle, à bientôt, je t'embrasse. Bisous. T'imagines le truc qui pendouille. Sur la photo. Au bouchoir. Allez, on va se dire au revoir, on va aller voir le public. Mademoiselle, tu vas faire quoi ce week-end? Un anniversaire. C'est qui? C'est lequel? De qui? Une copine. D'accord, elle est sympa? Oui. Tu fais quoi comme cadeau? Plein. Mais plein. Je vais pas ça... dire. Oh, bah non, ouais, c'est surtout que t'as pas d'idée, ça. La ça sent la cadeaux. Meuf qui s'en est pas occupée du tout. À côté, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pareil, j'ai un anniversaire. Le même, oui. Tu vas faire quoi comme cadeau? Tu t'en es pas occupé non plus. Ok, à côté. Je pars en Normandie. Ah oui, d'accord. Vas-y, tu vas où en Normandie? Je sais pas. Tu sais pas où tu pars? Non. Ouais, toi, tu es une aventureuse. Baroudeuse. Hein, baroudeuse. Toi, tu pars au bout du monde. L'aventurière. Normandie, comment? Une aventurière. Ah non, quand tu vas en Normandie, tu es une aventureuse. Bah oui. Ouais, bah ouais. Parce que tu es une aventurière heureuse, c'est une contraction. Tu es aventureuse. Voilà. Eh ouais. Ok, d'accord. Eh oui, madame. Ok. Voilà. Voilà. Sinon, sinon, si elle partait dans la Creuse, elle serait une aventureuse. Une aventurière qui fait la gueule. Tu vois ouais. Attention, non. À côté. Bah moi, je pars à la montagne, ça me fait chier. Tu vas où, mon grand? Je suis censé réviser, mais... Censé réviser quoi? J'ai un examen de maths la semaine prochaine. Oh là, c'est mal parti, la façon dont tu as vendu le truc. Et où sont les vacances dans cette histoire? J'ai pas de vacances. Pourquoi? T'es en quoi, toi? Je suis à l'université d'économie. Et on oh, a mais t'as quel âge? On dirait que t'as 14 ans. Oui. Et là, ah mais mec, on dirait que t'as 14 ans, je te le dis tout de suite. Hein. Ça va, 18 ans. Non mais t'as, on dirait que t'as 14 ans. Il a 18 ans. Mais il en avance, il en avance. Il fait jeune. Non, tu fais super jeune. C'est positif. Bah oui, bah bien sûr. On dirait que t'es en avance, quoi. Ah ouais, ouais, crois-moi que je trouve, ça fait longtemps qu'on lui a pas dit qu'elle faisait jeune. Hein, hein, t'assure. Ah, je t'assure, c'est super. C'est tellement drôle. Ouais. C'est positif ou. Et donc, elle est où la fac? Paris Dauphine. D'accord, très bien, très bien. Bon, bah écoutez, ouais, révise quand même un peu. Un petit peu. Un peu. À léger, côté, léger. Pas grand chose. Pas grand chose. On l'a eu, on l'a eu. Il s'est, tu sais, il s'est touché les mains comme ça, il a fait pas grand chose. Je vais dormir. Mais tu fais quoi, t'as quel âge toi? J'ai 19 ans. D'accord, et tu sais pas du tout ce que tu. T'es en vacances ou en quoi? Non, je suis en week-end. T'es en week-end, mais sinon tu fais quoi? Je suis intégré à l'école de DJ de Poitiers. L'école de DJ de Poitiers. Poitiers. Ok. Mais est-ce que le samedi c'est pas le moment où tu dois travailler? Pour les DJ, le samedi c'est l'équivalent du lundi matin. Pour bel up, pour bel up. Tu sais mixer? Un peu. Ouais. Oh merde, c'est aujourd'hui on n'a pas les platines. Ah, non, ouais, c'est con. Dommage. Dommage, prochaine fois. Faut que tu reviennes. Faut que tu reviennes, on aura des platines, tu feras un petit set la prochaine fois, d'accord? Bah, avec la même pêche. D'accord, mais vraiment. Il a l'air confiant. Tu, tu mixes des slow, non, avec cette patate-là, non, non. Tout au ralenti. Non, mais ça fait peur. À côté, non, mais alors il est impressionné, non? Oui, impressionné. Je vais aller au cinéma. Cinéma, tu vas aller voir quoi? La Nonne. La Nonne. C'est un film d'horreur. D'accord. Ouais. Ok, c'est bien. Ouais, je sais, je vais me prendre pour un con. Tu crois que. Tu l'as vu, toi, non? Tu m'as pris. Ouais, je l'ai vu, oui. Il est cool, en plus. T'as dormi? Ah non, ne me dis pas que t'as dormi. Non, j'ai pas dormi. En plus, je l'ai vu en 4DX avec les écrans sur le côté. Quand tu te balades dans le cimetière, avec les... sur le mur, sur le côté, c'est le cimetière. Tu fais pas trop le malin. Le film est très bien. Chaque fois qu'elle apparaît, ça fait. Ouais. Et à la fin? Elle meurt. Allez, bon film, mademoiselle. Oh, je sens bien. Bon, enfin. Aller le voir, du coup. Oh, tu t'en doutais bien. Déjà mort, de toute façon. À côté, tu vas aller faire quoi? Je vais m'occuper de mon neveu. C'est vrai qu'il agit là? 2 mois. D'accord, ah ouais, c'est bien. Tu vas voir, c'est pratique, tu le couches, ça dort. Oui, ouais. Bah oui. C'est comme les canards, ça mange, ça chie, ça dort. Ça, à 2 mois, c'est pratique, canards. C'est pratique. À côté, derrière, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Allez, on va de l'autre côté, allez. Alors, moi, du coup, je vais aller avec ma chérie visiter Paris. Ah, d'accord, c'est bien. Vous venez d'où, vous? Bah, de Normandie. De Normandie, très bien. Tu l'aimes, ta chérie, hein? Tu lui as fait des bisous pendant toute l'émission. Hein? On vous a vu. C'est nouveau, si, si on vous a vu. C'est nouveau ensemble. Ça fait longtemps que non, vous êtes ensemble. Non, ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Ah, c'est beau, un an et demi. C'est beau. À côté, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, l'autre donne. Allez, donne-moi le micro. Qu'est-ce que tu vas faire? Vite, vite. Un truc de capoeira. Des capoeira? Oui, c'est un sport de combat. Ah oui, là aussi, tu me prends pour un con. C'est terrible. Oh là là. Oh là là. Et à côté, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Donc moi, en Normandie avec ma fille. Très bien. Voilà. Et où ça alors, du coup? Alors où? Où? À Trouville. Très bien, vous allez être bien là-bas. Mademoiselle, à côté, tu vas faire quoi? Moi, samedi, je travaille et dimanche, peut-être pars en week-end avec mon chéri. Ah, oh, c'est bien, très bien. C'est bien. À côté? Au cinéma. Tu vas aller voir quoi? Le Pic de Belleville. Avec, bah c'est bien qu'il y en ait un ce week-end qu'il y a eu voir, alors tu nous raconteras comment c'est. J'ai l'impression que c'est pas, l'impression que c'est pas le succès du siècle, le Flic de Belleville. Je sais pas, on va voir. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je travaille samedi et dimanche. D'accord, personne va aller voir Star is Born ce week-end? Moi, j'ai déjà vu. Tu l'as déjà vu? T'as kiffé? Ouais, mais c'est long, effectivement. Ah, c'est long. Ouais. Ah. Puis à la fin, c'est. Au début. Ah. À la fin. Non, je dis pas. Oui. C'est comme la donne. À la fin, c'est chaud. Elle meurt. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Ça. T'as pas dit ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas Star Is Born. Star Is Born. T'as pas spoilé à. Un film qui est actuellement au cinéma. Il est capable. Il est capable. T'as pas fait ça. Il est capable. C'est de la vanne. Eh oui, si c'est vraiment ça. Bon week-end, les amis. Comment? Si c'est vraiment ça, le prochain film que tu vas voir, je te le spoil aussi. Je m'en fous, quand je vais au cinéma, je dors, moi. Donc, ah oui, il paye pour dormir. C'est vrai. Moi, je paye pour dormir bien assis, alors je suis pas emmerdant. Hein. Popcorn, dodo. Oui, je suis pas souvent, moi. Je me réveille à la fin directement. Bisous tout le monde, passez un bon week-end. La semaine prochaine, n'oubliez pas, on va interroger le public. Mets un micro n'importe qui. Lundi, qui sera notre invité lundi? Amir. Ouais. Qui sera notre invité mardi? Oui. Oui, Angèle. Angèle, c'est bien. Bravo. Ça. Et mercredi spécial Halloween, vous allez flipper. Nous sommes là toute la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivi. La vidéo avec Louane et le petit garçon est en ligne. Merci pour tous vos messages. Réagissez sur mon Twitter, mon Facebook Coé officiel, mon Instagram tout le week-end, l'Instagram de tous mes amis. Je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents. Qui gueule depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as le droit de revenir, allez, finis l'émission, t'es con ou quoi? Non, t'as pas le droit de revenir. Tu sais quoi pour la peine? On va tous se barrer, toi tu reviens. Voilà, voilà. C'est tout ce que t'as cherché. Bisous, on vous laisse avec Loric. Bisous. On vous embrasse, les amis là-haut. Coé revient lundi sur Énergie. 3, 2, 1. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show. Sur Énergie. Yes! Allez, on est parti avec vous pour 3 heures de conneries. Eh oui, le vendredi, on est plus con que jamais. On vous accompagne sur la route, à la maison, sur la route du week-end. Et si vous bossez demain, ce sera moins dur. Parce que vous allez vous régaler aujourd'hui. L'appel bluff, nouveau canular dans 10 minutes. On appelle un magasin et je me fais passer pour le PDG de la chaîne et je donne des ordres. Alors, est-ce qu'on va réussir? On va aller chez Tati aujourd'hui et croyez-moi qu'on va se régaler. On l'a testé dans la semaine, c'est un truc de dingue. Franchement, restez bien avec nous, vous allez mourir de rire. Le bail du jour arrive dans 30 secondes et puis on va ouvrir la boîte à questions là, dans une demi-heure concernant le week-end, sur tout ce qui peut se passer dans un week-end, le restaurant, les boîtes de nuit. Moi, j'ai plein de questions et je veux des réponses que je n'ai pas. Est-ce qu'un homme célibataire, par exemple, va en boîte de nuit, eh bien, sans avoir l'intention de pécho? Est-ce que ça existe encore? Tiens, on va se poser les bonnes questions. Vous êtes là sur Twitter, hashtag Ricochot sur Énergie. On va s'écouter Maroon 5, Aurel San, Labrinthe, et la dernière de Sopra qui est sortie aujourd'hui. Zoom, zoom, zoom, zoom. Elle redoute le week-end, c'est un face-à-face avec son mec et ça, ça la fait pleurer. Comment elle va ça? Il est fou, bonsoir à tous, bonsoir Rico, mais j'ai hâte de plus voir vos tronches les gars. Arrête. Mais si vous saviez. Oh là là. Nos copains vont me manquer, mais vous pas du tout. Je sais qu'on est l'alibi de ton mec. Ouais, c'est ça. Pour pas que tu le croises toute la semaine et là tu trembles. Ça va le tombeur? Eh ben écoute, en pleine forme, mais en plus c'est quoi? Elle va gagner une heure de plus avec son mec. Ah oui, c'est vrai. C'est le changement d'heure. Il est bon celui-là. Oh là là, il est en forme hein. On a la connerie aujourd'hui. Ça va JM? Écoute, moi ça va très bien. Par contre, Sylvain Potard, il sent très fort de la bouche. Ah oui. Et oh, il a mangé libanais. Donc je suis en apnée depuis 35 d'accord secondes. D'accord, eh bien plus. Hollywood Chingham. Exactement hein, s'impose les amis. On est là jusqu'à 23h. Et c'est le bail du jour. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? C'est dingue. Ah dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui, les amis, ce sont ces publicités contradictoires, oui, même paradoxales. En fait, Uber, qui est une compagnie de chauffeurs